est les champions, putain. On est les champions. Bonsoir à tous et bienvenue sur Sport and Chill. Nous sommes lundi 11 décembre et c'est donc la saison 3, épisode 13 de Sport and Chill cette année. Ce soir, on a une équipe quand même, une équipe type hein, ce soir tout de même. Faut le dire, hein. Avec à ma gauche Yacine et Théo. Salut les gars. Salut, salut, salut. Les gars. Salut à tous. Salut et à tous. Ma droite, donc Tim et Guillaume. Salut. Bonsoir. Salut. Ça va pas trop blasé avec la pluie hein, dernièrement. Non, il fallait bien que ça tourne un jour. Hein. Ouais. Ouais. Que Richard. J'ai l'impression qu'à Montpellier, dès qu'il y a de la pluie, la vie s'arrête. C'est l'apocalypse. Ouais. La vie s'arrête en effet. Il n'y a plus personne dehors. C'est fou ça. Bon, très bien, on va commencer tout de suite. Donc on va faire notre sommaire avant. On va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions ainsi que de l'Europa League qui est tombé aujourd'hui. Le beau week-end du ski français également cette semaine. Un point plus approfondi sur les championnats de hand un petit peu aujourd'hui, mais aussi de NBA. On va faire un petit point aujourd'hui. Le sport montpelliérain, l'hiver est dur pour Montpellier puisque c'est 5 victoires, 2 matchs nuls et 4 défaites. Donc un résultat positif mais moyen tout de même pour le club montpelliérain. Qui nous ont habitués à mieux. Et aujourd'hui, on aura une interview que nous avons fait cet après-midi avec Yacine. Ça sera deux joueurs donc de la MHB Academy, Marco et Simone, qui nous parleront du handball évidemment. Non, pas Marco Simone. Simone hein. Pas Marco Simone. Marco et Simone, c'est Manjun si je le prononce bien. Donc on verra ça tout à l'heure en deuxième partie d'émission. On va commencer tout de suite avec les résultats de la semaine. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier. Et on va commencer tout de suite justement avec du rugby. Du rugby ou du handball, comme vous voulez. Je peux commencer par le handball, dans ce cas-là, pas de souci. Bon alors, vu qu'il n'y avait pas de championnat ni de Coupe d'Europe ce week-end, on va récapituler les résultats principaux du milieu de semaine dernière. Donc c'était la Lidl Star League, 12e journée. On parlera certainement de Montpellier après. Je signale juste que Montpellier a gagné à Ivry 25 à 22. Caix a perdu contre Cesson à domicile 31-32, que Dunkerque a gagné à Saran 33-32, que Saint-Raphaël a battu Toulouse 27-23, donc c'est un résultat qui concernait le 4e et le 7e, mais surtout les deux matchs qui étaient les principaux dans cette journée-là, c'était Chambéry et Nîmes qui se neutralisent 28-28, et Nantes qui tient le score face à Paris 27-27, donc au classement pour l'instant ça fait les affaires de qui ? De Montpellier, forcément. 23 points, premier, qui commence petit à petit à creuser l'écart. Deuxième Nîmes avec 19 points, donc déjà 4 points d'écart. Paris, même nombre de points, 19. Et puis en 4e et 5e, Saint-Raphaël et Dunkerque, avec respectivement 16 points et 15 points. Donc ça c'était pour la Lidl Star League. Et qu'est-ce que tu penses? Est-ce que vu qu'il y a le match je crois dans 10 jours maintenant, si je ne me trompe pas, le 21 décembre entre Montpellier et le Paris Saint-Germain, dans 10 jours. Dans 10 jours. Et donc est-ce que tu penses que si Montpellier gagne, ça peut être déjà terminé Ça ferait 6 points d'écart. Après ça dépend aussi du résultat qu'il y aura la veille entre Nîmes et Aix. Donc ça sera aussi un match qui ne sera pas forcément donné pour Nîmes. Hein, parce que c'est vrai, on parle de Paris Saint-Germain, mais il y a aussi Nîmes qui intercale entre les deux. Après, moi je pense que si Montpellier bat Paris, si tu négocies bien les rendez-vous principaux qui est en deuxième partie d'année à domicile. T'as un matelas confortable, Ouais. Petit à petit, tu reçois quand même Nîmes, tu reçois. Hormis le déplacement à Toulouse, tu reçois Nantes. Donc Nîmes et Nantes, si tu capitalises à domicile, ça commence à sentir très bon. Bagage, ouais. Donc, confiance. Ça c'était pour le championnat, puis après juste au passage, mais ça concerne plutôt les coupes. Le 13 décembre, donc je crois que c'est mercredi à venir, il y aura Toulouse-Montpellier. Et donc Dunkerque, Célesta, Istres-Aix et encore une fois un Paris-Nantes. Donc là ça sera Paris cette fois-ci. Et le week-end prochain, donc Coupe de France, mais ça c'est des 16e de finale, c'est des matchs qui, entre guillemets, sont pas très sexy. Le seul match à retenir, c'est Montpellier qui se déplacera à Grenoble. Bon, ça devrait Nancy qui accueillera Paris, donc on va dire que le plat principal c'était le championnat, il n'y avait pas de Coupe d'Europe. Ouais, plus gourmand. Ok, très bien. Il y avait aussi du handball féminin. Oui. Alors il y avait du handball féminin. On peut en parler, Oui. Mais en fait, je voulais juste signaler une chose au passage juste avant, parce que là ça concernait plutôt les championnats du monde. Il y a aussi, je ne sais pas si vous savez, chaque année ce qu'on appelle le Handstar Game. Un peu voilà, donc c'est un peu la méthode américaine. C'est un match qui en début d'année, généralement au mois de février, oppose une sélection des meilleurs joueurs étrangers du championnat à une sélection française des meilleurs joueurs du championnat également. Donc il y avait la liste qui est tombée jeudi dernier. Le match se déroulera le 3 février à l'Accor Hotel Arena. En n'oubliant pas que c'est la sélection étrangère qui l'an dernier avait battu la France, entre guillemets 37 à 34. Et cette liste cette année, quand on la regarde des deux côtés, bah, comme d'habitude, c'est plutôt pas mal. Donc pour la sélection étrangère, en citant les gros noms, Gensheimer et Hansen de Paris. Il y aura David Balaguer, alors bon, de Nantes, il est quand même connu aussi. Le coach sera Patrice Canadier. Et côté français, bah, ni plus ni moins que Vincent Gérard, Guigou, les deux frères Karabatic, Valentin Porte, Rémi Lee. Et le coach sera Franck Maurice de Nîmes, donc ça sera un derby à la Tour Eiffel. Voilà, donc c'est un match plutôt sympa, qui fait généralement toujours guichet fermé. Donc. Ouais, vous qui l'avez vu, c'est uniquement spectaculaire. Oui, voilà, c'est spectaculaire. Oui, voilà. Ouais. Mais du beau monde, encore une fois. Pas trop se forcer pour pas se blesser, surtout. Voilà. Ouais, voilà, je vois un peu. Et donc, oui. Et donc, les championnats du monde féminin, alors là, actuellement, il y en a encore qui se jouent. Si je ne me trompe pas, il y a encore Russie, Corée du Sud et Roumanie, République tchèque. Toujours est-il que ce sont les huitièmes de finale. 4 huitièmes viennent de se jouer déjà, donc la Suède a battu la Slovénie, l'Allemagne a perdu face au Danemark 21 à 17, le Monténégro s'est défait de la Serbie 31-29 et la France a gagné 29 à 26 face à la Hongrie, donc avec Alexandra Lacrabert meilleur buteur du match. Et donc le premier quart de finale demain sera Suède-Danemark suivi de France-Monténégro. Voilà. Donc quart de finale pour les Français. Donc ça, c'est les deux premiers quarts de finale connus. Et les 4 huitièmes de finale qui se jouent aujourd'hui, c'est un choc. Bon, si on connaît un peu le handball féminin, le gros choc, c'est actuellement Russie, Corée du Sud. 34-32 pour l'instant pour la Russie. C'est les prolongations, je crois. Et c'est les prolongations depuis 5 minutes. Ouais. Voilà, donc il y a Roumanie-République tchèque qui vient de se terminer aussi. La Tchéquie a gagné 28 à 27. Exactement. Et les deux huitièmes qui restent à jouer, c'est Japon-Pays-Bas et Espagne-Norvège. Voilà. Très bien, bon, c'est complet au niveau du handball. On a parlé d'handball féminin, c'est vrai qu'on en parle presque jamais. Oui, c'est les championnats du monde, donc. Mais c'est les championnats du monde, donc c'est important de. Et puis on est vice-champion olympique aussi. Donc, donc voilà, c'est pour l'instant quart de finale, à voir par la suite. Ouais. On va passer peut-être au rugby tout de suite. Ouais, c'est parti. Bah, du coup, c'était la troisième journée de l'European Champions Cup, donc la Coupe d'Europe de rugby. Bah, au niveau des résultats, dans le groupe 1, donc le groupe de La Rochelle, donc ça a été sûrement le plus beau match de cette troisième journée, c'est La Rochelle contre les Wasps, et c'est les Rochelais qui marchent déjà sur la France et qui marchent maintenant sur l'Europe, et ils ont gagné 49-29, une vraie démonstration de force, près de 11 essais de marquer, il y a eu des temps de jeu vraiment conséquents, des passes après contact, du combat vrai, tout ce qu'on aime dans le rugby. La puissance de Bottia a fait mouche par deux fois, on a eu la vista de Balès, un jeu rapide et dynamique, et on se dit qu'en fait la FFR n'a pas allé chercher très loin pour voir où se pratique du beau rugby, faut juste regarder à La Rochelle. Toujours dans le groupe, du coup, les Harlequins ont perdu à domicile face à l'Ulster 17 à 5. Donc au niveau du classement du groupe 1, La Rochelle est premier avec 15 points. La Rochelle quasiment assurée d'être qualifiée. Il faudra juste assurer sur les derniers matchs. Yacine voulait encore faire son coup de cœur sur La Rochelle. J'ai dit mais non, ça suffit. Non, et si j'avais pu, j'aurais fait ça toute l'année. Mais c'est juste impressionnant. C'est un peu notre coup de cœur. C'est vraiment très belle équipe de La Rochelle. Et pourvu qu'elle continue à nous régaler comme ça. Dans le groupe 4, donc c'est le groupe de Castres et du Racing, et ben justement il y avait un affrontement franco-français entre le Castres Olympique et le Racing 92, donc ça tournait en faveur du Castres Olympique 16 à 13, et on peut retenir de ce match une grosse bourde de Teddy Thomas qui coûte très très cher au Racing. En fait, je vous l'explique, c'est Teddy Thomas à la 7ème minute qui transperce les lignes, qui a l'occasion d'aller facilement aplatir, mais il décide d'aller entre les perches, sauf qu'il voit pas le retour en fait du deuxième. Ah, trop gourmand quoi. Ah, il est dur, c'est à la fin. Tomé ou pas où. Et en fait c'est un péché d'orgueil qui coûte cher, ce qui perd le ballon. Ouais. Du coup pas d'essai, et le Racing qui s'incline de 3 points. C'est dur. Ça c'est péché d'orgueil. Forcément décisif. Quoi. Ça a été dit, Thomas s'est excusé derrière pour son manque d'humilité. Donc dans la poule, le Munster qui l'a emporté 33-10 face au Leicester mène, et derrière c'est très serré avec le Castres à 7 points, Leicester 6 points et Racing 92 6 points. Dans le groupe 5, donc le groupe de Toulon, on avait donc les Scarlets qui sont imposé 33-28 contre Benetton de Trévise et le RC Toulon, donc qui l'a emporté difficilement 24-20. Encore avec un essai gag aussi. Ouais, c'était Noël à Toulon. Pareil, je vous le raconte, Ashton, non, Tuisova qui décide de la jouer vite. C'est la castor qu'elle a. C'est ça, je vous raconte une petite histoire. Tuisova qui décide de jouer vite, on ne sait pas pourquoi. Tuisova qui a été, entre parenthèses, un match catastrophique de Tuisova, qui l'a fait passer Ashton, qui est un peu gêné, qui tape, qui dévisse. Ça arrive, qui glisse, ouais, même. Qui dévisse sa frappe. Ça arrive de suite dans les bras de Joseph, qui n'a plus qu'à aplatir. Qui a aplatir dans l'embute. Mais bon, finalement, voilà. Toulon qui, grâce à sa puissance physique et malgré son manque d'alternance et ses plaquages manqués, va l'emporter, notamment grâce à un homme, Anthony Bello, qui nous a encore ébloui de sa vision du jeu et de sa classe. Donc, Toulon qui creuse l'écart en tête, qui a 12 points devant Basse, 9 points. Et enfin, là, donc, c'est le groupe de Clermont. Clermont qui était annulé pour cause de neige, le match entre Saracens et Clermont, et qui est en train de jouer actuellement. Donc, est-ce qu'il est à huis clos ou pas alors finalement? Parce qu'il devait l'être à huis clos, mais je crois qu'il était à huis clos, il avait annoncé, enfin le club de Saracens l'avait annoncé que les spectateurs pouvaient venir. Là je ne sais pas, mais en tout cas. Ils avaient déneigé, je crois. Donc, ils sont en train de jouer et à la mi-temps, Clermont mène 24-7. Donc déjà grosse avance pour Clermont. Et dans l'autre match, c'était les Northampton Saints qui s'étaient inclinés sur leur pelouse face aux Spries. C'est une belle performance, puisque je crois que les Saracens n'avaient pas perdu en Coupe d'Europe depuis plus de 2 ans à domicile, à domicile comme à l'extérieur. Ouais, donc, les Saracens ont un poil plus de mal dans leur championnat, ouais. mais en Coupe d'Europe, ouais, ça reste très solide. Et alors, dernier match, c'est un match assez important, parce que c'est celui de la poule de Montpellier. C'était Exeter, le quatrième du championnat anglais, qui s'est incliné à domicile face au Leinster, 18-8. Voilà, donc c'est bon pour Montpellier, mais on en parlera un peu plus tard. Exactement. On va passer au football, tout simplement, avec la Ligue des Champions. Donc je donne deux résultats, parce qu'on va surtout parler des tirages au sort. Les résultats français négatifs, puisque le Bayern a gagné 3-1 contre le Paris Saint-Germain, ainsi que Porto qui a gagné 5-2 contre Monaco. D'ailleurs, Monaco aurait pu faire l'objet d'un coup de gueule, hein, je pense. Il y a une manière de perdre, quoi, de se faire éliminer, qui aurait pu être une autre. Ils ont pris des branlées. C'est très facile de convaincre Tim, hein, quand même. Ils sont rattrapés très difficilement au championnat. Ils auraient dû le perdre, ce match. Ah, ils comptent 3, sans problème. Ouais. Donc, on en parlera du coup tout à l'heure de Monaco. Alors, le tirage au sort, je vous le dis maintenant, on va surtout parler de ça. Juventus Tottenham, Bâle Manchester City, Porto Liverpool, FC Séville Manchester United, Real Madrid Paris Saint-Germain, Shakhtar Donetsk AS Roma, Chelsea Barcelone et donc le dernier Bayern Munich Besiktas. Est-ce que, donc j'ai une question évidemment pour le Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain Real, est-ce que c'est pas le meilleur moment de tirer le Real Madrid en 8e de finale? Non. Ouais, est-ce qu'il y a vraiment un bon moment pour tirer maintenant? Non, je sais pas. C'est la question qu'on peut se poser. Mais non, mais est-ce que, parce que vu que Paris, c'est quand même leur objectif, c'est quand même d'aller au bout au final. Ouais, mais le match, il est en février. Il est mi-février, ouais. Le retour, il est début mars. Normalement, c'est les grosses équipes, c'est à cette période-là qu'elles commencent à monter. C'est le money time qui commence et c'est là où juges un peu leur état de forme. C'est là où le Real est souvent et même plus, le Real bien, plus commence à accélérer la cadence. Là, ils ont mis Manita à Séville. Puis je veux dire, en plus, même si Paris réussissait à les battre, bon, après, moi, je pense pas que face à ce genre d'équipe, le fait de recevoir en dernier match soit un avantage. Ouais, je suis d'accord. Attention, parce que sur Emery, il a perdu tous ses matchs à l'extérieur. Par contre, tous ses matchs à domicile, il les a gagnés. Donc, le fait de recevoir au retour peut changer beaucoup de choses. Attends, pour moi. Tout dépend du score. Bah, après, 22-1, c'est terminé pour moi. Ouais. Après, tout dépend. C'est ça. La réalité de décembre n'est pas la réalité de février. Ouais, voilà. On sait que le Real, c'est dur de se positionner en fait. Maintenant, sera complètement différent au mois de février. Surtout le Real, quoi. C'est vraiment une logique qui s'applique encore plus à eux, vu les dernières années où. Vous avez peut-être des fois des débuts un petit peu timorés en championnat ou en Ligue des Champions, mais après, voilà, toujours au mois de février. Pas de chicorée. Heureusement. Ouais. Et au mois de février, on sait qu'ils sont toujours présents, et quoi qu'on en dise, même si le Real peut-être ne fera pas la 3e Ligue des Champions d'affilée, ça sera un très gros client et ça risque d'être compliqué pour le PSG. C'est le pire tirage possible. Ouais. Et puis ces deux matchs, ce sera aussi les deux premiers matchs de la saison. Peut-être le premier match contre le Bayern où on jugera l'impact de Neymar sur l'équipe. C'est ça. Ouais. Il est venu clairement pour être le leader. Tous les absents le qui étaient surtout par là contre le Bayern, genre Neymar ou certains du milieu de terrain, là ils n'auront pas le droit à l'erreur. Et, oui, et hormis la sélection, brésilienne où il est vraiment depuis le début amené à être le leader, là c'est la première année de sa carrière sportive, c'est entre guillemets, premier gros test, où il est le gros leader, donc on verra ça. Est-ce que ce match peut avoir un impact sur le mercato du PSG, parce qu'on a annoncé que le PSG allait vendre à tout va, entre guillemets, est-ce que ça peut conduire les dirigeants à garder les joueurs, certains joueurs, Di Maria. J'ai envie de te... Ah, du banc, tu veux dire. Ouais, hein, du banc. Je pense qu'il avait le même programme. J'ai envie de te dire quand même oui, parce que s'il passe, ça veut dire qu'il y aura deux autres gros matchs en quart de finale et je pense que s'il passe, il vendra moins de joueurs. Ouais, mais après, Paris, il vendra peut-être deux. Qu'ils allaient rester longtemps en Ligue des Champions quand même. Je pense à Lucas, Pastore, Di Maria. Le problème de ce mercato hivernal, c'est que Paris, je pense qu'il voudrait bien se renforcer au niveau du milieu de terrain, au niveau défensif notamment. Ouais. Mais trouver un joueur, c'est ça, qui n'a pas joué de Ligue des Champions. Qui n'a pas joué de Ligue des Champions, comme c'est rare. Ouais. Ça serait bien avec Pastore. Après, vraiment, si tu voulais dépêcher en janvier et février un top player et que tu regardes un peu les grosses équipes qui sont impliquées dans leurs championnats respectifs, c'est trop tard. Moi je vois mal un Chelsea ou un Manchester lâcher un gros joueur. Puis tu leur donnes une arme de plus. Quoi. Justement, tu parles de Chelsea, Manchester. Autre question, c'est le retour des clubs anglais donc en Champions League avec 5 qualifiés sur 5. Dont 4 qui ont fini premier. Ouais. Et est-ce que c'est l'année d'un club anglais aujourd'hui, cette année? Je vous dis juste les clubs anglais, ceux qui prennent, donc Juventus Tottenham, Bâle Manchester City, hein. Porto Liverpool, Séville Manchester United, et donc Chelsea Barcelone. C'est peut-être l'année de City, hein, le tirage. Après, ils sont aussi engagés en championnat, donc à voir. On va voir s'ils ont quand même un banc sympa, donc ils peuvent tenir la cadence des deux. Ils commencent à avoir une avance, ils commencent à avoir une sacrée avance. Moi City, moi de toute façon, je pense que depuis le résultat de dimanche, c'est 11 points d'avance sur le deuxième. Moi je pense que ils ont tendance à lâcher du lest. Après, moi je suis très curieux de voir si le niveau de jeu qu'ils ont imposé depuis le début de saison sera le même en février-mars. Bon, on va dire que contre Bâle ça devrait passer, mais dans les vrais gros matchs à partir des quarts, s'ils réussissent vraiment à gagner en jouant de cette manière-là, il faut compter sur eux. Ils ont énormément d'énergie aux joueurs. Et parce qu'ils ont un vrai banc aussi. Le banc est vraiment profond. Tu peux faire tourner un peu en championnat, vu l'avance que t'as, tu peux te permettre quelques petites erreurs. Les champions, tu peux la jouer à fond. Vu la confiance qu'ils ont, ils peuvent tenir jusqu'au bout. Et puis tu regardes toutes les équipes anglaises qui sont engagées en 8ème. Je pense que Chelsea a ses chances face à Barcelone, mais ils ne partent pas forcément favoris, mais ils ont beaucoup de chances de passer aussi. Tottenham face à la Juve. Chelsea, ça me paraît compliqué quand même. Est-ce que la Juve n'est pas surestimée un petit peu par rapport à Tottenham? Moi je pense pas. C'est serré, je pense. C'est quasiment du 50-50. Ouais, je vois pas. Vu la Juve cette année, ouais, c'est possible. Et quant à Liverpool et Manchester. Ça va passer, je pense. Ça devait passer. Porto. Ouais, c'est ça. Ils reçoivent le match retour, ça devrait aller. Quant à Manchester, ils devraient se méfier. Contre Séville. Oui, c'est la logique qui est respectée, ça devrait aller aussi. Non, ça devrait le faire. Il n'y a que Chelsea et Tottenham qui pourraient peut-être. Attention à Porto quand même, qui a fait une grosse impression en phase de poule. Liverpool est vraiment très impressionnant, je trouve. Aussi, notamment le 7-0 contre le Spartak. Je suis très curieux de voir ce que Tottenham a dans le ventre face à très gros d'Europe. Un beau match, sachant que c'était une poule. Là, on va voir en phase finale. Puis match aller en Italie. Oui. Il retourne à Wembley. Il y a un coup à faire. Il y a un gros club qu'on ne parle pas et forcément. Le Bayern. Oui, le Bayern Munich. Qui se prend Beşiktaş. Mais tirage piège peut-être. Ouais, c'est pas forcément de jeu. Mais bon, je pense que là, pour le coup, heureusement que le retour il est en Turquie et pas à l'aller qui est là-bas. Parce que je pense que le Bayern va assurer à l'aller et retour, ce sera très compliqué, mais ils auront fait, je pense. Moi, après, le Bayern, c'est comme le PSG, quoi. Là, on voit qu'ils commencent, enfin, comme le Real, je veux dire, c'est un club qui commence à monter en puissance. Et tu sais qu'en février, ils ne seront pas surpris non plus par Beşiktaş. Enfin, je pense. Surtout avec les Pelicans, c'est l'habitude des grandes compétitions européennes. Je m'inquiète pas. Même s'il y a un bon Beşiktaş en face, je pense quand même que ça sera tranquille. Enfin, ça va devrait passer pour le Bayern, en tout cas. Ouais, largement. D'accord, on fait un petit pronostic très rapidement. Allez. Entre vous tous, donc. On va aller très rapide comme ça on fera tous les matchs. Juventus Tottenham. Juventus moi. Juventus. Juventus aussi. Juventus. Juventus. Ouais, Juventus. Oui. Tout le monde est pour la Juve. Ouais, c'est vrai quand même. Bâle Manchester City, tout le monde est pour City. Ouais, c'est City, c'est le plus Porto Liverpool. Liverpool. Bon, Liverpool. Ah, je tenterai Porto moi. D'accord. Séville Manchester United. United. Ouais, Manchester United aussi. Real Paris. Real. Ah, celui-là, je on est dur avec mon team. Allez, je vais dire Paris, allez. Ah, pour le Cotorico, quoi. Ah, je dirais Paris aussi. Ouais. Shakhtar Roma. Ah, ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Hein. Moi, je vois le Shakhtar. Shakhtar m'a impressionné, Roma. Shakhtar aussi. Je vois le Shakhtar. Chelsea-Barcelone. Barcelone. Bonjour. Chelsea. Ouais, je vois Vous êtes plus Iniesta à la fin ou Torres à la fin? Moi, pas à la fin forcément. Moi je vois plus Chelsea. Le régal, la Chelsea encore. Moi je vois Chelsea. Ils sont quand même pas mal. Et dernier, Bayern Munich, Beşiktaş. Ouais. Munich. Ouais, Beşiktaş. C'est cohérent, mon gars. Allez, on va passer tout de suite à l'Europa League. Yes. Les scores français, pas flamboyants non plus, puisque seul l'OM a pris les points. Non, guillemets. Mais au final, heureusement. Oui, voilà. Il est fallu, ouais. OM 0-0 contre Salzbourg. Vitesse Arnhem qui gagne 1-0 contre Nice. Et Atalanta qui gagne 1-0 contre l'Olympique Lyonnais. Ce qui fait qu'au tirage au sort, je vous le ferai très rapidement. Borussia Dortmund, Atalanta, Nice, Lokomotiv Moscou, Copenhague, Atletico, Spartak, Bilbao, AEK Athènes, Dynamo Kiev, Celtic, Zenit, Naples contre Leipzig qui va être un bon match pour moi. C'est le plus gros match. Atalanta aussi. Étoile Rouge, Belgrade, CSKA Moscou, Olympique Lyonnais, Villarreal, Sociedad, Salzbourg, Partizan Belgrade, Pilsen. Là, je ne sais pas ce que c'est. C'est Bucarest. Ah, c'est Bucarest, merci. Contre la Lazio, tu l'as dit ? Contre la Lazio, oui. Contre la Lazio. OM Braga, tu l'as dit ? Pas encore. Ludogorets, Milan, Astana Sporting, Östersund Arsenal et Olympique de Marseille, Braga. Oui, bien sûr. Là, le Lyon-Villarreal, au final, il... Combien de clubs français, selon vous, vont passer ? Deux. Est-ce qu'on est d'accord que l'OM ne va pas passer ? L'OM ? Pour moi, c'est l'OM qui passera pas. Ah ouais ? Non. Ah non, si l'OM, ça, le Braga, il y a vraiment. Ça, bah, vu ce qu'ils ont montré pour l'instant, l'OM, ça passe. C'est lequel qui passe pas pour vous ? Lyon. Pour moi, c'est Lyon. Ouais. Moi, c'est Lyon qui passera. Moi, pour moi, c'est ou Lyon ou Nice. Je pense que Nice va vraiment galérer. Ouais, Nice, le côté Moscou, là-bas, il va falloir aller chercher. C'est ça. Ah, et Nice. Moi, je dis Nice. Même si Lyon, ça passe. Ouais, ils ont quand même fait une plutôt bonne poule, le côté Moscou. C'est jamais facile de jouer en Russie. Ah bah, ils sont bien. En février, quoi. Surtout, Nice est moins bien. Moi, je vois pas l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment faible en Europe cette année. Pour accréditer ta thèse, il y a aussi que le match contre Braga, il tombe sur au pire moment pour le calendrier marseillais, entre Saint-Etienne, Bordeaux et Paris. Juste avant Paris. Saint-Etienne et Bordeaux, c'est vrai sur leur salaire. Ouais, c'est vrai qu'après Marseille a fait un parcours lamentable pour l'instant en Europa League, donc ça peut mettre un doute. Non, mais c'est vrai, ils ont fini premier avec 12 points. Contre qui au Portugal? Guimarães. C'est encore pire que Braga, ça. Normalement, c'est pas terrible. C'est pire que Braga. Oui. C'est pas après, s'ils se mettent au niveau en phase finale. Non, oui, voilà, après, faut qu'ils montent en puissance, quoi, c'est sûr. Le match catastrophique, c'est à Konyaspor. Oui, mais c'est pas mal. Moi, je suis désolé, le nul 0-0 contre le Salzbourg au Vélodrome. C'est nul aussi, quoi. Mais pour l'instant, c'est l'équipe qui a moins sa vitesse. C'est lourd. Bon, très bien. On va enchaîner tout de suite sur les championnats étrangers. Bundesliga, Dortmund qui s'incline encore 1-2 contre Brême. Limogé, l'entraîneur. Ouais, d'ailleurs, c'est Peter Stöger qui va remplacer. L'ancien entraîneur de Köln, qui avait amené Köln du coup de Cologne pardon, donc à 5e place. Et donc il part face au 17e de Bundesliga. Ça aurait pu être une question de quiz, mais ça l'est pas. Donc. Heureusement. Dommage. Le Bayern qui fait le taf 1-0 contre Francfort. Mönchengladbach, Schalke, c'était le choix entre guillemets de Bundesliga. Un partout. Leipzig qui perd des points contre Mainz, un partout également. Bayern, c'est bon. Mayence. Mainz, moi je fais l'allemand. Mainstream, non ? Cologne. Mainz again, c'est là. Du coup, il y a trois semaines, je crois, on parlait du Bayern qui était quand même pas encore qui s'était pas encore envolé, et là c'est terminé, je crois déjà. 8 points d'avance sur Leipzig, hein. Et donc Schalke qui est 3ème. L'effet Youpenkus. Ouais, ils pourront se concentrer sur la Coupe d'Europe. Ça a monté en puissance encore. Liga, le Real, donc tu l'as dit tout à l'heure, Team Amin Manita, 5-0 à Séville, d'ailleurs, c'était Manita à la mi-temps, si je ne me trompe pas. Donc il y avait déjà 5-0 à la mi-temps. Valence qui gagne 2-1, qui reprend sa marche en avant contre le Celta. Le Betis qui perd 1-0 contre l'Atlético. Et le match de dimanche, c'était Barcelone qui a gagné 2-0 contre Villarreal. Au classement, Barça, Valence et Atlético, 3 premières places. Le Real toujours 4ème. Tranquille le Barça pour l'instant. Première Ligue, Manita aussi, de Tottenham. Sac 1 contre Stoke. Chelsea qui perd contre West Ham, 1-0. Southampton qui prend les points aussi contre Arsenal, un partout. Et les derbies dimanche, Liverpool-Everton un partout. Et Manchester United qui s'incline de 1 à domicile contre Manchester City. A noter le doublé de Steve Mounier. Dorsfield face à Brighton, qui permet de permet de gagner. C'est à la maison. C'est en première ligue, ça, oui. C'est en première ligue. Ouais. Dorsfield, ouais, c'est ça. Fait mon gars là, non. Brighton et Dorsfield. Tu voulais peut-être parler un petit peu de. Complet, quoi. Ouais, du derby, on peut en parler. On l'a vu. Je sais pas si vous l'avez vu également, mais moi, je préfère pas en parler parce que sinon je vais m'énerver. Je préfère regarder Nantes-Nice, mais non, je rigole. De toute façon, enfin, je veux dire, un derby encore une fois. En fait, quand on regardait la composition de United, lamentable. Voilà. On avait l'impression, vous voyez, un 4-2-3-1 avec sur les côtés Rashford, Lingard, Martial, on a l'impression que ça allait attaquer. Qu'est-ce qui se passe dès la première minute? Bloc très bas. Évidemment, une chose qu'il faut absolument pas faire face à City qui, on voyait, avait des possessions qui arrivent à 70-75%. City qui, on va dire qu'il était dans une gestion assez tranquille quoi. Tranquille. Discussion. Est-ce que Mourinho ferait pas un petit syndrome d'infériориité face à Guardiola? Depuis longtemps. Il a perdu contre Guardiola. 9 défaites. 10. Il se fait victimiser. C'est la 10e défaite. Les gars, vous parlez trop en même temps, on n'entend rien. Salut. Oui, voilà, chacun son tour. Je voulais peut-être dire justement pour la défense, prendre la défense entre guillemets de Mourinho. Enfin, non, même pas au final. Je vois pas comment on peut la prendre. Il y a des tactiques où la défense est correcte. On l'a vu en Italie à l'époque, on savait défendre avec manière. Oui, le problème, c'est que là, la défense. Elle est passive, c'est-à-dire qu'elle attaque pas, elle est pas agressive sur le porteur de balle. Et là, c'est vraiment terrible pour Manchester United. C'est pas le jeu de Manchester United. Ouais, voilà. Pour moi, il manque d'inspiration parce qu'il a pas l'équipe pour faire ce style de jeu. Il blasphème l'institution. Là, c'est Pep a encore pris l'ascendant encore une fois. Et je trouve que le choix de recrutement de City, bon, peut-être ils ont envoyé un petit peu d'argent. Bah, le choix est quand même plus intelligent, mais United aussi, mais ils l'ont pris sur Lukaku. Et moi, concrètement, je suis vraiment sceptique sur ce joueur-là. Moi, je pense qu'il est vraiment très surcoté. Quoi. Et tu vois sur des gros matchs face à tous les gros clubs, il a, je crois que ça fait 5 matchs, donc il y avait Liverpool, Tottenham, City, etc. C'est un cap qu'il arrive pas à franchir, il a fait sur 5 matchs, je crois, 0 but et 2 passes décisives. Voilà. Ouais. Mais ce qui était un peu énervant chez cette United là, bon, on dit voilà, c'est un derby. Si Manchester recolle, gagne le match, ça recolle à 5 points d'écart et là tout est possible, etc. Et on les voit voilà, passif, bloc très bas, City qui se balade un peu sur le terrain et qui est dans la gestion totale. Dès que le premier but est marqué, Mourinho on a vu un autre United. 5 minutes après, on va dire qu'il y a 2-3 occasions qui s'enchaînent avec deux parades d'Ederson qui fait bon, lui tire dessus, mais ce sont des grosses parades. Et 2 minutes après, égalisation. Et puis après, on se dit qu'en deuxième mi-temps, allez, ça va repartir, etc. Ça, on voit 10 minutes, un quart d'heure de United qui commence à jouer, qui presse et qui attaque haut, etc. Et une fois que le deuxième but est encaissé, United recommence à lâcher et se réveille à la toute fin dès qu'Ibra recommence à rentrer. Pour un derby avec City en face. Ce Manchester à intermittence, je sais pas trop quoi penser de la tactique de Mourinho parce que ça peut faire deuxième, pas plus. Bah, ça nous laisse penser qu'en décembre tout est déjà joué dans une première ligue où on pouvait quand même penser avec les armes qu'ils ont que ça se jouerait jusqu'en mai. Il y avait des gros clients. Est-ce que c'est la méthode Mourinho, elle commence pas à s'essouffler? On l'avait vu avec la deuxième phase de Mourinho à Chelsea. C'est-à-dire qu'en 2015, il est champion. Mais l'année d'après, c'est absolument infect. C'est trop complet. Et là, on a l'impression de retomber dans le deuxième Mourinho de la saison d'après, quoi. C'est pénible. Parce que même sa Ligue Europa qui gagnait l'année dernière, c'était quand même pas flamboyant. Il a gagné parce que son effectif était largement supérieur. Il faut qu'il commence à se poser des questions parce qu'à Manchester, ça se pose beaucoup de questions. Et si à la fin de saison, vu comment c'est parti, bon, pas de championnat normalement, Ligue des Champions, je vois pas comment non plus. Et si c'est même une coupe sur deux. Ça suffira pas. Pour une institution comme United, ça suffit pas. L'argent investi, les coups des franches pour l'argent investi, ça suffit pas clairement. Bon, on va passer à la suite, sinon on parlait 10 minutes de Manchester. C'est un bon match. Dernier championnat étranger, la Serie A, avec un seul score, on va dire 0-0, puisque Juventus Inter 0-0, Napoli Fiorentina 0-0 et Chievo Roma 0-0. C'est beau la série. De bonne défense italienne. On revient en vraie valeur. Tout le monde sait la série. Tout le monde s'est neutralisé. Inter premier, Napoli deuxième, Juventus troisième. Ce qui est curieux, c'est que Napoli et la Roma n'ont même pas su profiter du nul à domicile de la Juve. Il y avait un coup à faire. Je sais pas, Naples, Fiorentina à domicile, on peut quand même espérer que le Napoli. Le Milan, ils en ont profité de ce nul ou pas? Comment? Le Milan, ils en ont profité de ce nul? Bah écoute, non. Bon avant tour, ils ont gagné. Doublé, ouais. Ah, quand même, ils ont gagné. Ouais, 2-1. Face à Bologne. Café Benevento. Timoré, quoi. Face à Timoré, une victoire très timorée, face au très surprenant, à l'effrayant Bologne. T'aimes bien Timoré aujourd'hui? Ouais, je sais pas pourquoi. Team en plus, il y a Team dedans. Donc forcément, il y a un lien. Donc là, pour l'instant, c'est à peu près le Milan. Le Milan, 8. Ah, 8, mais il y a non, je ne voyais pas si bien. Ce que tu peux espérer, voilà, c'est recoller sur la Samp et il a la Dio pour l'Europa League, mais Intertoto plus quoi. Ils sont à 3 points de la Sampdoria qui est 6e. Voilà. Ok. La Ligue 1, donc PSG qui gagne 3-1 contre le LOSC, Monaco qui fait une remontada entre gros match de Subasic. Donc 3-2 contre 3. Il vient de perdre celui-là. Lyon qui remonte aussi le score 2-1 contre Amiens. Gros match de Lyon encore. Nice qui gagne 2-1 également contre Nantes. Aussi. Et le match du dimanche soir, 3-0 pour l'OM contre Saint-Etienne. Est-ce que vous voulez réagir très rapidement sur un match ou on passe à autre chose? Pas forcément, tu vois. Ouais, pas forcément. Ouais, nul le match d'hier encore. Bon, Saint-Etienne, on le sait maintenant, vu la fin de cycle. Mais même Marseille, je trouve que c'est toujours assez moyen, même si. J'étais pas trop d'accord, moi. On en a parlé un peu avant avec Guy, je suis pas trop d'accord. Je trouve ouais, sévère pour sur un club qui aime. Bon, après, la première mi-temps était très cohérente. Au milieu, c'est vraiment bon. Quand il y a ce milieu technique à l'OM, bien sûr, quand les équipes un peu plus faibles, mais je trouve ça cohérent. Après, voilà, faut partir du constat qu'on n'est plus dans la même cour. Marseille a un budget maintenant deux ou trois fois supérieur à Saint-Etienne. Tu demandes plus d'exigences. Quand tu vois le match qu'ils font contre Salzbourg et celui hier soir, je trouve pas encore, super emballant. Encore une fois, t'as l'OM en Ligue 1, t'as l'OM en Ligue Europa. Ouais, non, c'est différent. Mais moi, je pense qu'avec les moyens qu'ils ont maintenant, il faut quand même passer une vitesse supérieure et proposer un petit peu mieux, quoi. Il y aura un test hein, dimanche prochain contre l'OL. Ouais, déjà, ça sera un vrai premier gros test pour voir l'état de lieu. Très rapidement, Théo, tu voulais dire quelque chose Sur un résultat, il suffit de Nice qui gagne 2-1 à Nantes, ce qui est jamais quand même facile. Nantes qui a réalisé quand même une bonne première partie de saison. C'est l'ouverture du score. Ouais, exactement. Donc Nice qui remonte quand même à la 8ème place. Alors qu'on était au fin fond du 7ème il y a 3 semaines, j'ai l'impression. 3 victoires d'affilée et ça repart. Tu as remonté mon poulet. Et juste un petit dernier mot pour mes amis marseillais aussi. Donc je signalais depuis un petit moment. Qu'après l'arrivée du milliardaire américain, il y aurait une perte du côté populaire marseillais. Et là, quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire que c'est le club qui a interdit une partie de la tribune, donc les Softwiners, très important de Marseille, quand même, les Softwiners. Après, c'est pas la Ligue qui les a interdits, mais c'est la direction, quand même. Pour éviter les incidents avec les supporters, c'était pas là ? Non, ils n'étaient pas là, de toute façon. Donc, non, parce qu'ils se sont battus dernièrement pas Ligue 1. En Ligue Europa contre Salzbourg, ils avaient fermé une tribune entière. Du coup, les Southwinners sont allés de l'autre côté, en face, dans le virage d'en face. Et en fait, ils se sont battus avec les autres supporters pour des raisons. Les supporters autrichiens, du coup. Non, les supporters marseillais. Non, ensemble. Les deux groupes de supporters se sont battus. Mais vous avez le cerveau d'une palourde, mes poulets. Ouais, pour le coup, il y a eu des fumigènes. Il y a eu une bagarre générale, des stadiers agressés. Et du coup, Marseille a sévi et a dit Southwinners. Mais les supporters, les Southwinners, ont sévi également dans leur propre groupe. Ils ont fait un communiqué d'ailleurs avec plein de fautes d'orthographe, ça c'est génial. On va passer à la suite. Juste avant, on parlera tout à l'heure du Ballon d'Or très rapidement dans le quiz, donc on pourra réagir très rapidement à ça, mais bon, j'avais pas trop envie de réagir sur le Ballon d'Or, ça devient presque habituel. Je suis complètement d'accord, je boycotte totalement. Voilà, le basket, la NBA, on va continuer dessus. Allez, on parle des gringolades, celle de Détroit aussi, à l'Est, qui était au début un bon outsider, on va dire, dans cette conférence, et qui là j'ai en chute libre, et je crois qu'ils sont passés 7e ou 8e même. Donc là, ils ont perdu naturellement contre Boston de 10 points d'écart. D'ailleurs, ça a aussi perdu plus logiquement aussi contre les Warriors, même si c'était plus serré. Et après, il y avait un choc plus intéressant, on va dire plus serré, entre Boston et les Spurs, et c'est les Spurs qui l'ont emporté de justesse. Très bien. J'avais un petit dernier aussi, si tu veux, entre deux outsiders, c'est les Wolves qui l'ont emporté contre les Clippers. On parlera, tu veux que je te fasse un petit point de classement un petit peu ou... Ouais, très rapidement, parce qu'il y a des, variations, ouais, ça a beaucoup bougé à l'Est, surtout. Pas forcément en clin. À l'Ouest, ça n'a pas bougé, puisque c'est toujours le Houston, les Warriors et les Wolves qui se jouent le trio de tête. Et puis, c'est surtout à l'Est que ça a bougé, puisque c'est Toronto qui est repassé deuxième, le Cleveland qui revient un petit peu dans... Les Celtics toujours premier. En haut, les Celtics toujours premier naturellement. Et puis, Milwaukee aussi qui marche pas trop mal en ce moment et qui se place à la quatrième. À l'Ouest, ils sont combien, les Spurs? À l'Ouest, les Spurs sont toujours troisième. À l'Ouest, ça n'a pas bougé depuis quasiment quelques semaines. Okay. C'est Houston, Warriors, Spurs et Minnesota. Ok. D'accord. Bon, j'en profite d'un peu de notre retard. On va parler du ski et notamment dans la parole de Toe Chillers. Donc, je donnerai les résultats en même temps avec toi, Théo. Ça marche. Pareil pour la boxe. Je voulais en parler, mais on en parlera surtout dans la parole de Toe Chillers. Du coup, je fais les derniers résultats, les autres sports en bref. Cyclocross. Je voulais juste dire ça puisqu'il y avait un retour de gagnant après 2 ans d'absence de Pauline Ferrand-Prévot, donc la française en cyclocross, et victoire donc de la française. Comme ça, elle revient et elle gagne. Se prendre. Bon, en voile, on en parlait la fois dernière, le français François Gabart a traversé l'Atlantique Sud très vite et a passé donc l'Équateur avec 5 jours d'avance sur le record du monde en solitaire de Thomas Coville dimanche. Donc pour l'instant, il est bien parti. Je crois qu'il y a, une semaine, il avait 2 jours d'avance. Là, il arrive à 5 jours d'avance sur le record du monde. Ouais. Et dernier, donc record du monde, on en parlait, et patinage artistique. Encore le couple Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron qui ont remporté leur première finale de Grand Prix à Nagoya. Avec un nouveau record du monde en patinage artistique, 202,16 points. Voilà. Ouais, ça sent bon pour Pyeongchang en 2018. Exact, on parlera d'ailleurs de ski tout à l'heure, donc biathlon, ski de fond et ski alpin, on en parlera tout à l'heure. On va passer, pas première pause musicale, on passe tout de suite au Sport Montpellier 1, jingle Sport Montpellier 1. Sport and Chill, le sport Montpellier 1. On va passer donc au Sport Montpellier 1, on va parler du MHSC en premier, on va peut-être effleurer seulement puisque pas forcément envie de... Pas grand chose à dire, j'ai envie de dire. Et donc Angers, Montpellier qui a fait un partout, donc but de Isaac Mbenza pour Montpellier, qui continue donc à prendre des points mais qui perd des points face à un, dans un certain sens face à un mal classé. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise performance? Un mal classé qui est très mauvais à domicile hein, pour le coup, je crois que c'est la pire équipe à domicile. Donc, plutôt content ou mécontent d'ailleurs ce point. Il y avait un coup à faire, clairement, Angers, ils n'étaient pas en confiance, on se prend un but... j'ai vu le but d'Angers, magnifique. Hein. Ouais, magnifique, avec Takei Kambi qui sauve Angers en ce moment, avec 8 buts. Ouais, bon, bah, de toute façon, Dermacarian nous a fait du Dermacarian et il y aurait pu le but d'Angers. Montpellier est 7ème au classement. Ce qui me dérange, c'est que. Dermacarian il fait des tactiques un petit peu défensives sur les gros, tout ça. Mais même à domicile, il est peut-être un peu plus ambitieux dans le jeu. Mais à l'extérieur, j'ai l'impression que tu joues Angers ou Paris. La c'est tactique, pareil. Elle est aussi défensive. Ce qui est pénible, c'est là, terrible, je sais pas, enfin, coupez-moi si je me trompe. Mais on va dire que les gros matchs de Montpellier en première phase sont passés. Et bon là on va peut-être rentrer dans un ventre mou où tu vas rencontrer des équipes alors que tu dois capitaliser des points, quoi, c'est sûr. Et là je sais pas, je crois que c'est Montpellier Metz après, non? Il faut que ça gagne quoi. En plus si tu cumules ce genre de match où tu dois faire 3 points, on se fout du score, mais il faut que tu gagnes. Et là au lieu de ça tu enchaînes des nuls. Surtout qu'au retour peut-être que tu feras pas d'aussi bons résultats contre les gros. Il y a un sentiment très mitigé. C'est-à-dire que bon, la tactique défensive, on sait, feu de Derzakarian face aux grosses équipes. Mais là t'as vraiment l'impression que peut mieux faire quoi. Des équipes comme Angers, Metz et tout. C'est le petit 11 sur 20 qui c'est pénible peu, quoi. C'est pas assez entreprenant dans le jeu. Donc, face à les équipes qui sont un peu au milieu de tableau comme ça, qui proposent pas vraiment de l'avant. Et en plus, le pire, c'est que là, on n'a pas évidemment des grands joueurs non plus, mais t'as quand même de quoi faire un petit peu de jeu quoi. Ah oui, plus qu'en jeu déjà. Voilà. C'est sûr. Donc c'est un peu décevant ce constat. C'est un bon qu'il y a ça. Surtout qu'Angers, voilà, c'était loin d'être une forteresse imprenable à domicile. Ça a pas gagné un match à domicile. Avant dernier, 19e. C'est dire quoi. Donc il y avait mieux à faire. Au niveau des filles, c'est plus glorieux, on va dire. Rapidement, donc à l'abri, grâce à 3 buts en 27 minutes, le MHSC féminin a géré en s'offrant une victoire à Lille, 4 buts à 1. Okay. Un 9e succès sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Bon. Donc des buts de Léger, donc un doublé, Seyman et Gauvin. Prochain match donc à Fleury, dimanche. Michon. Oui, c'est en France. Avant que tu non, ça, je connais. Par contre, j'y vais souvent en week-end et tout, donc ouais, je c'est bien. Pour la 12e journée ce soir, Guy, de D1 féminine. Ratano finnois. J'ai rien de prévu encore. L'inspiration. Les petites privées jokes. Peut-être pas ta boxe. À défaut d'avoir la vraie boxe. Oups là. MHR donc les gars s'il vous plaît. MHR donc rugby. Peut-être on va parler du MHR. Rapidement, c'est la victoire qu'il fallait. 29 à 22 face à Glasgow. À Glasgow avec le bonus offensif. Pourtant les hommes de Cotter étaient menés 17 à 5 à la 30e minute. Donc là on s'est dit c'est fini le rêve. Enfin entre guillemets, le rêve européen s'achève. Et non, en fait, on a repris ce qui fait notre force depuis le début de saison, une agressivité défensive, notre puissance qui met à mal les Écossais. Et voilà, c'est ce qui nous a permis de nous remettre la tête à l'endroit. Et on est en très très bonne voie maintenant pour. Enfin, on est en bonne voie pour la qualification. Retenir une performance de ce match. Tu crois donc à la qualification? Oui, on est à 8 points. Et en fait, c'est ce qui me fait dire qu'on est en bonne voie, c'est le calendrier qui s'annonce. On va recevoir deux fois. Glasgow et Leinster. Ouais. Donc Glasgow qui est déjà éliminé, qui n'a plus rien à jouer. Maintenant, donc, à ce moment, il lâche le match. Normalement, c'est 5 points. Déplacement avec Exeter après. Dans l'autre match, c'est les deux premiers qui s'affrontent. Donc là aussi, possibilité de encore gratter des points. Surtout que c'est Leinster Exeter, je suppose. C'est Leinster Exeter, Donc Exeter devrait peut-être sûrement pas gagner. On peut le penser. Ok. Très diplomate. Ça, c'est bon signe. Au moins pour la deuxième place, ça va être dur d'aller chercher la première. Leinster me paraît quand même au-dessus. Je voulais juste retenir une performance dans ce match, c'est celle de Picamol qui a été élu homme du match, mais voilà, qui se remet un peu aussi la tête à l'endroit après l'équipe de France. 17 ballons portés, 62 mètres parcourus, 7 passes après contact. Voilà, c'est le Picamol qu'on aime. Au peak time. Voilà, c'est ça, qu'on veut continuer à voir. Ok, donc pour le rugby féminin, moi j'ai une défaite des Coccinelles, 7-3, donc première, Cox, hein. Première défaite. Pour du rugby, c'est pas super, c'était contre c'est pas effrayant quoi. Première défaite de la saison pour les filles, mais bon c'était par rapport à, c'était le choc qu'on attendait face à Lille, ouais, donc c'est les deux dernières finalistes, c'est les deux favorites pour le titre, et donc c'est à l'extérieur à Lille, donc défaite on va dire presque logique. Légitime on va dire, dans le froid. 7-3, donc pas, ouais, beaucoup de, pas beaucoup de points. Ah oui, effectivement, ouais, match stérile. Ouais, voilà. Et donc c'est au classement, Montpellier juste un point derrière Lille, grâce à notamment plus de bonus offensifs et défensifs de Montpellier. Vraiment pas de quoi s'alarmer. Donc ça on est juste contact, derrière. Quoi. Prochain match à domicile, et là c'est contre les dernières, cette fois-ci Bayonne. Donc puis, ça devrait aller. En deuxième partie, on recevra Lille au retour. Donc, ouais, voilà. Bon, après au rugby, c'est pareil que chez les hommes, donc ça se joue au play-off. Donc bon, au final, le classement. Ouais. Hein. Faut être là dans le play-off. Voilà. Bien joué. Handball, Montpellier. Bah, comme je le disais, il n'y avait pas de match pour Montpellier le week-end précédent, mais il y avait le match de championnat, donc journée 12 à Ivry. Victoire 25-22, donc 4 points courte mais efficace. Voilà, 4 points d'avance sur Nîmes qui a fait nul à Chambéry, et 4 points d'avance aussi sur Paris qui s'est fait neutraliser par Nantes à Nantes. Donc prochain match de Montpellier, ça sera à Toulouse mercredi pour la Coupe de la Ligue, quart de finale. Suivi d'un match à Grenoble pour les 16e de Coupe de France samedi prochain, et donc avant le gros choc contre Paris le jeudi d'après, qui clôturera cette belle année 2017. Déjà très important. Donc voilà. Ok, au niveau du basket féminin, là ça va mal au basket féminin. L'Euroleague, donc la Coupe d'Europe féminin, donc il n'y avait rien à faire sur le parquet de Ekaterinbourg pour les BLMA, et là une défaite très sévère, 100-46. Plus ou moins donc anecdotique dur, vu le déséquilibre entre les deux équipes. De plus, au classement, c'est encore plus dur puisque le BLM Arrow devient dernier de groupe avec 8 points, égalité de points cependant avec Cracovie et Orenburg, avec seulement une victoire sur 7 matchs. Donc c'est vraiment, c'est vraiment dur. C'est la saison en transition d'Europe pour le BLM. Il faut être patient. Là. De plus, la LFB, donc le championnat, défaite également. C'était la journée 2 qui devait être rattrapée. Et donc le BLM n'a pas saisi l'opportunité et s'incline à Villeneuve-d'Ascq, encore une défaite à Villeneuve-d'Ascq après le rugby, donc 62-60. Montpellier est 5ème au classement avec 14 points et se déplacera à Lyon-Asvel féminin ce dimanche, donc 5ème Montpellier féminin au basket, on n'est pas habitué de les voir dans le dur, ouais, un peu freiné, ouais. Le volet, défaite malheureusement également aussi en championnat, en Ligue A, défaite sèche du Mavuc à l'extérieur, 3-7-0 contre Paris. Donc ils sont accrochés au ventre mou de la Liga au classement avec une 6ème place, mais quand même qui est qualificative pour les playoffs, c'est la dernière place qualificative. Prochain match déjà ce mercredi, donc à domicile contre Tourcoing. Voilà. Et il y avait la Coupe d'Europe aussi pour le volet, le début en Coupe d'Europe. Enfin, c'est une Coupe d'Europe un peu spéciale. Je ne sais pas si vous connaissez la Coupe de la CEV ou SEV. Négatif. Celle qui tombe des arbres. pas mal. C'est le vainqueur de toutes les coupes nationales. Qui se rencontrent. C'est la Coupe des Coupes, quoi. Ouais, sympa. C'est l'ancienne Coupe des Coupes de foot. Donc, et le tenant du titre est français avec Tours. Et donc là, c'est Montpellier qui la joue cette année. Et Montpellier a gagné contre Francfort sur Main. 3 à. Oui, je vais dire en anglais, tu sais. Francfort sur Main. 3-7-2 pour son entrée dans cette Coupe. Le match retour aura lieu le 21 décembre à Francfort. Futsal. Alors, futsal. Ah, je sens qu'ils ont gagné, je sais pas pourquoi, je sens. Tu sens qu'ils ont gagné ? Ouais. Non, ils n'ont pas gagné. Ouais, ils ont fait match nul aussi. Ah, voilà, ils ont fait match nul. Donc, c'est comme une victoire pour eux. Bah, c'est comme une victoire parce que Montpellier tient tête au champion de France quand même. Et c'était à l'extérieur, donc c'était Garges. Je t'ai regardé le match, mais d'accord. C'était Garges 2-2 contre Montpellier. Je sais pas où c'est par contre. Garges, ouais, c'est ça. Donc je sais pas quoi te dire. Je crois que c'est un club parisien, si je me trompe pas. Ah merde. Victoire pour Montpellier, Souleymane Nouadi et Nabil Taïa. Donc Montpellier, évidemment, toujours dernier malheureusement, mais à 2 points et revient à 6 points du premier non relégable qui est Toulouse. Donc ça remonte tout de même pour se sauver. Ça pousse. Allez, on continue les poussées. Silence, ce samedi, Montpellier recevra Roubaix, donc les 6e à domicile. Donc c'est encore jouable pour Montpellier pour regagner des points. Alors, Garges les connaissent, c'est ouais, ça ? Bah sûrement. Hein. Val d'Oise, ouais, dans la région parisienne. 75 pour les néophytes. 41 000 habitants. Waterpolo, pas de waterpolo pour ce week-end. Prochain match, c'est ce samedi à 20h, donc entre Montpellier et Tourcoing. Également Tourcoing, donc comme au volet. Et dernier, victoire des Vipers, donc au hockey, 2-0 contre, dans le derby contre Toulouse. Toulouse qui est toujours devant au classement, mais rattrapé donc par Montpellier qui est 5ème. Les Vipers passent dans le positif avec 6 victoires et 5 défaites. Montpellier devra attendre dans 2 semaines car la journée prochaine ils sont exempts. Mmh. Donc pour la journée 12, prochain match à domicile, donc Clermont-Ferrand le 23 décembre. Voilà, je pense qu'on était complet sur le sport montpellierain. Pas tout à fait, on a noté Garges, c'est la ville de Wissam Ben Yedder. Ah, c'est bon, qui a fait du futsal. Ouais. Et en plus, donc le lien, tu le vois ? Bah, il est une grande ville de futsal, ça se trouve. Voilà, bah oui, champion de France, donc bon, voilà. On va passer à notre première pause musicale. C'est Mayer, tu peux le présenter ? Mayer O. C'est Mayer O. Sorn et j'ai choisi Strange Arrangement. Voilà, à tout de suite. Salut. De retour sur Sport & Chill, on va continuer avec la parole aux Toad Chillers tout de suite. C'était donc la parole est aux Toad Chillers. Mea culpa, c'est moi qui ai voulu rappeler le son du titre. C'était meilleur hors Torn, Strange Arrangement. Donc voilà, j'ai lancé le jingle en même temps j'ai dit le titre, donc c'est ma faute. Forcément. Donc là, par le Toe Chillers, on va commencer avec de la boxe, tiens, avec Lomachenko. C'était le combat de la semaine d'ailleurs. Oh, le combat des combats de l'année aussi, avec le Canelo Golovkin qui avait été très intéressant aussi il y a quelques mois. C'était le gros combat de fin d'année qui intéressait beaucoup de passionnés de boxe, peut-être moins médiatique que le précédent, mais celui-là pour les puristes était très attendu parce que, comme j'avais expliqué, c'était deux styles très différents et deux grands champions déjà qui s'étaient imposés depuis quelques années dans... Enfin, surtout pour Rigondo, le Cubain, plutôt que Lomachenko. Donc, c'est deux médaillés olympiques qui ont brillé en amateur, qui ont des palmarès assez conséquents, qui ont démarré en pro un peu tard. Mais bon, pour le coup, ça valait le coup parce que c'est des mecs qui ont de suite confirmé en pro tout leur talent. Et c'était un combat aussi très attendu parce que les deux dominent largement leur catégorie depuis trop longtemps et il fallait qu'un jour, ben, ils s'opposent, quoi. Donc ça a été un combat au final pas si serré qu'on le pensait, malheureusement. Il y a eu un petit... bon, outre Lomachenko qui a réussi à contrer les plans de Rigondo par sa classe, son anticipation et aussi sa puissance, parce qu'il y avait un petit problème de poids niveau cubain pour Rigondo qui avait un petit peu de mal à respecter son poids, enfin à monter en poids plutôt après la pesée, et qui a eu un petit souci apparemment au poignet. Donc on a clairement vu qu'il manquait de puissance, même si c'est pas son atout premier, mais on a senti qu'il est, à partir de deuxième round, je crois qu'il commençait à être un petit peu déficient sur ça. Mais il faut tout de même féliciter le grand champion qu'il y avait en face, l'Ukrainien Lomachenko, qui est un modèle de boxe d'anticipation technique. On sent vraiment que c'est un garçon qui a brillé et qui a longtemps duré en amateur, parce qu'il y a vraiment une boxe très tactique, très fine. En plus, il a pris un peu plus de puissance depuis qu'il est pro, donc c'est peut-être le plus complet à l'heure actuelle avec Golovkin ou Canelo. C'est le noyau des trois, le top 3 de l'année, et je pense qu'il peut perdurer pendant plusieurs années parce que c'est trois boxeurs qui sont encore assez jeunes. Ils ont, enfin, surtout pour Canelo et Lomachenko, donc ils ont encore quelques années à venir. Golovkin est un peu sur la fin, donc ce sera un petit peu plus difficile, mais les deux là, on tient deux très très grands champions. Ce sera difficile pour désigner un boxeur numéro 1 de l'année parce que c'est des catégories assez différentes, mais les trois sont des grands champions. Et voilà, Lomachenko, même s'il n'y a pas eu le combat aussi serré qu'on l'espérait, ça a été quand même un très beau combat, une belle opposition, et on a vu quand même que Lomachenko était un cran supérieur face à un Rigondo qui est un petit peu en difficulté face à ce style de boxeur là et qui est peut-être un petit peu vers la fin aussi parce qu'il est un peu plus vieux. Donc voilà, malheureusement, après, ce qui est dommage, c'est que derrière, Lomachenko manquera d'adversité parce qu'il a battu le numéro 1 des dernières années. Donc du coup, derrière, il faudra une relève, je l'espère, qui arrivera pas trop tard, parce que sinon il va avoir un petit gouffre face à lui, parce que vraiment il est vraiment au-dessus en ce moment. Ok, je sens que c'est le spécialiste quand même. Merci, j'essaye. Il aura dans la gestion, ouais, tranquille. Ah oui, d'accord, du coup, j'ai pas dit le scénario final du combat en fait. C'est Lomachenko qui a gagné. Lomachenko qui gagne, et c'est en fait le camp de Rigondo qui a jeté l'éponge à la reprise du 7ème round en fait, qui a senti que son boxeur n'était pas en bonne situation et plus apte physiquement pour continuer le combat. Donc ça me semblait important. C'est le préciser. Oui, voilà, ça, après, quand je suis lancé, après, je me laisse aller, quoi. Comment ça philosophie. Ah, c'est ce qu'on aime chez lui. On va passer sur un deuxième coup de cœur, et c'est un coup de cœur sur Milan, mais pas l'AC Milan, c'est sur l'Inter Milan. J'avais pas forcément d'idée qui me venait, et j'ai donc décidé de rendre à César ce qui est à César. Hein. Je reconnais, à ce point-là. Je reconnais, je suis grand seigneur, je suis pas fan de l'équipe, mais je reconnais l'exceptionnel début de saison de l'Inter Milan. C'est beau ça. C'est peut-être pas entièrement un coup de cœur, je l'admets. Mais je reconnais volontiers que, on est quasiment à la moitié de la Serie A. Les matchs les plus importants pour eux, ils sont partis gagner à la Roma 3-1. Ils font 0-0 à Turin, ils font 0-0 à Naples. Bon, on oubliera ça, mais ils battent le Milan lors du derby. Et le reste des matchs, ils lâchent très peu de points, si ce n'est rien du tout, face aux pseudo petites ouais. moyennes équipes, et ce qui fait d'eux pour l'instant le premier du championnat. Bon, évidemment pas avec un matelas de confort, il y a 2-3 points d'avance, mais j'ai juste envie de dire en fait que tout est jouable et tout n'est rien n'est joué d'ici la fin de saison, et que l'Inter pour moi est potentiellement un futur champion d'Italie cette année. En tout cas, il joue par champion de l'automne. Ouais, bah déjà oui. Et puis on va dire que les gros matchs sont déjà passés. En tout cas pour la phase aller, il reste 3 journées je crois. Donc on peut penser qu'ils vont capitaliser à mort avant le début de la deuxième phase. Ils n'ont pas de coupe à jouer cette année, chose qui est à signaler aussi. Ils vont, je pense pas qu'ils vont jouer la Coupe d'Italie, et donc ils ne jouent pas de Coupe d'Europe. Ah oui, oui, d'accord. Oui. Avec un effectif, on va dire, assez réduit, 20, 21 joueurs, ça devrait pouvoir le faire d'ici la fin de saison, et si Icardi reste à ce niveau, ah, c'est exceptionnel. Ça peut sentir très bon pour eux, et là où mon coup de cœur pourrait résider aussi, c'est que, bon, si on fonctionne aussi par... bah, par stimulation quoi, bah, ça pourrait peut-être enfin booster le Milan pour revenir sur la scène quoi. Ouais. Parce que là c'est vrai que l'Inter ne laisse que très peu de miettes à Milan, et on a vraiment l'impression que bah, qu'il n'y a pas photo quoi. Après c'est comme tu dis, si t'as un Inter qui commence vraiment à monter, forcément ça va pousser l'autre Milan, parce qu'au bout d'un moment ils vont plus l'accepter qu'il y ait autant d'écart. Bah, surtout que là cette année c'est peut-être enfin de la concrétisation de leur projet, parce que l'an dernier ils avaient déjà investi beaucoup sur des joueurs, on trouvait que le mercato avait été réussi mais néanmoins cher. Les résultats s'étaient pas fait voir l'an dernier. Et cette année, bah là, petit à petit, tu commences à avoir une cohésion. Tu commences enfin à savoir, voilà, à quoi servent les ailiers. L'an dernier, un mec comme Kandreva, voilà. Et puis l'an dernier, un mec comme Kandreva, tu avais l'impression qu'il avait de la qualité, mais qu'on le baladait un peu partout et qu'il respectait pas les consignes. Cette année, passeur décisif. Icardi, bon, fidèle à lui-même. Comme tu le disais, Spalletti qui. Bah pour l'instant, qui fait du bon travail. Et donc, c'est vrai qu'en début d'année, on nous vendait deux projets qui se concurrençaient, qui étaient censés faire revenir la ville de Milan en haut. Bah pour l'instant, il n'y a pas photo, il n'y en a qu'un seul qui mène la danse, et l'autre qui, dont le projet n'est que de la fumée pour le moment. Quoi. Ouais. Il faut être sévère, mais c'est la vérité. Un triste objectif. Mais bon, voilà. En tout cas, bon cri du cœur, Yacine, quand même. Pour... Je reconnais, hein, c'est. C'est beau, c'est un moment historique presque. Il n'est pas bien là, il n'est pas bien quand même. Bah, je suis forcé. Mais... Ah, mais ça prouve son professionnalisme et sa lucidité aussi. Voilà. On va passer, on continue sur du foot, mais là on va passer un coup de gueule, et notamment, bon, on voulait faire Bordeaux au début, enfin Tim voulait faire Bordeaux au début, au final, puis, ça sera Monaco. Puis au final ça sera Monaco. Parce que s'il mérite, le mec est malléable. Je t'en prie. Ouais, il y aura un samedi soir quoi. Comment ? Comme samedi soir, j'ai dit. D'accord. Non, il y aura un coup de gueule sur Monaco, c'est surtout pour désigner leur piètre campagne européenne. On savait que l'année dernière, elles étaient un petit peu en surchauffe, que c'était une année exceptionnelle, et on s'attendait quand même à un coup de moins bien cette année, parce que c'était, on va dire, le coup d'une saison. Mais alors, de proposer un tel niveau de jeu et des matchs avec aussi peu de contenu, c'est quand même assez déplorable, je trouve. Je pense notamment aux matchs qu'ils ont fait à domicile. Je comprends pas comment on peut être aussi peu confiant à domicile, alors que sur le papier, on a quand même toujours une belle équipe. Falcao, les marques sont quand même restées, hein, je le rappelle. J'ai l'impression qu'il y a eu un statut qui n'a pas été assumé, le statut de demi-finaliste finalement. Et face aux équipes, il y a eu un complexe d'infériorité, parce qu'à un moment ils sont censés être au moins aussi équivalents, parce qu'ils ont été tombés dans une poule en plus largement abordable, Porto, Besiktas et Leipzig, et ça finit avec un bilan déplorable quoi. Ils ont fini avec 3 points je crois, 2 points. Ouais. Et une sacrée défaite 5-2, une claque quoi à Porto. Je les ai trouvés vraiment très décevants. Et pourquoi tu expliques ça? Comment tu... C'est quoi l'entraîneur qui n'a plus trop d'envie, les joueurs? Je pense que c'était vraiment, les joueurs étaient vraiment en surchauffe l'année dernière. Ouais. Vraiment, ils se sont tous surpassés cette année. Il y a un coup de moins bien, et je pense qu'après, c'est les matchs qui se sont succédés, la recette n'a pas été trouvée. Ils ont essayé de combler leur retard, mais retard accumulé qui... Le gouffre s'est comblé quoi. Pour le coup, ouais, je rejoins complètement Tim. Pour moi, c'est en très grande partie à cause des joueurs, parce que depuis qu'il est arrivé, Jardim a quand même fait preuve beaucoup d'adaptation. Il a réussi à toujours s'en sortir malgré chaque année les pertes de joueurs, de joueurs majeurs en plus. Mais là, concrètement, enfin, t'as une équipe, comme il dit, qui est censée tenir la route, même si bien sûr on s'attendait pas à ce qu'ils fassent un tel parcours que l'an dernier. Mais parce c'est vrai qu'ils tiennent joueurs, pas vraiment le statut qu'ils avaient. C'est quand même un champion de France quand même, et un demi-finaliste. Là, tu passes à la trappe face à un groupe qui est largement abordable. Tu tombes dans le groupe le plus faible. Hein, et tu vois quand même les joueurs, il y a des joueurs méconnaissables. Quoi. J'ai vu le match méconnaissable. Fabinho. Fabinho, mais quand tu vois le joueur que ça a été l'an dernier, tu vois maintenant, c'est là son choix. Non, mais il traîne un peu son mal-être depuis le début de la saison sur le fait le transfert à Paris. Le transfert à Paris avorté. J'ai toujours du mal avec ces joueurs-là parce qu'ils sont, enfin, ils ont quand même une vie de rêve. Ils ont quand même un salaire incroyable. Tu boudes pas comme si t'étais dans un petit métier. Il est pas rangé, moins rémunéré. Moi, en fait, ce qui va toujours déranger, là, tu faut montrer de l'envie quand même. T'as quand même un maillot que tu portes, t'es devoir aussi derrière en plus. Moi, ce qui m'a toujours dérangé, bon après moi je souscris à cette raison qui en effet on la voit beaucoup dans les équipes qui sont championnes l'année précédente, c'est que la décompression elle est à mort cette année quoi. C'est-à-dire, la décompression, on peut penser qu'en effet bon il lâche d'une certaine manière la Coupe d'Europe, mais la lâcher de cette manière là la décompression elle est quand même très très mal considérée. Il faut respecter un minimum le club. Je veux bien concevoir que tu puisses perdre à Porto, contre Porto à domicile ou contre le Beşiktaş. Là, t'en prends 4 à domicile face à Leipzig, t'en prends 5 à Porto. Championnat, tu gagnes la dernière minute contre 3, qui n'est pas non plus un foudre de guerre. Moi, je veux dire, je veux bien, les joueurs, comme tu disais, étaient en total surchauffe et certains ont du mal à digérer le transfert. Mais comme tu le disais aussi, ils ont des salaires de rêve, ils ont une vie de rêve. La décompression, elle doit avoir une certaine limite. Ça peut pas être, on a fait 10 mois de fou, en effet, ça a été le cas. On va se lâcher totalement. C'est l'équipe qui a encaissé le plus de buts en phase de poule. C'est le record français. C'est énorme. Et Jardim, le pauvre, c'est lui qui fait l'équipe, c'est pas lui qui est dans la tête des joueurs, quoi. Il fait avec ce qu'il peut. Et puis, tu vois le niveau de Fabinho cette année, tu as tout compris, quoi. Ouais. Moutinho aussi. Jacob Falcao qui a tenu son rang, je trouve. C'est important. C'est le seul, malheureusement. C'est important de le souligner quand même parce qu'on avait beaucoup tapé sur l'Olympique de Marseille à l'époque. Je crois qu'ils avaient pris 0 points. Dortmund, Arsenal et Naples. Mais là, même avec 2 points, ça ressemble très fortement à une aussi médiocre performance. Face à des équipes qui sont largement abordées avec un groupe bien moins relevé que celui qu'avait Marseille. Peut-être après 2 ou 3 matchs, Hardy m'a dit on fera rien en Ligue des Champions, on va tout miser sur le championnat parce que c'est ça. Non, franchement, j'y crois pas parce que même après 3 matchs, il y avait encore de l'espoir. Il fallait qu'ils gagnent à domicile contre Leipzig. Ils avaient un scénario encore favorable. Leur match fini à la Beşiktaş, il faut aller le chercher quand même, mais ça les élimine pas. Il y a encore de l'espoir après. Ils ont raté le début de match contre Leipzig à domicile, c'est inconcevable. Est-ce qu'ils avaient l'équipe et le banc pour assumer les deux, en plus c'est deux grosses compétitions, surtout que tu sais qu'en championnat t'avais pas joué le titre, donc tu mettais la bataille. Qui est Monaco cette année? Je réagis à ce que vient de dire Théo. Pour moi, ils avaient l'équipe pour jouer sur les deux tableaux. Ah oui, c'est pas ça. Je te dis, en plus, sachant que tu vas pas te jouer le titre cette année, quoi. Oui, voilà. Tu te dis, tu vas essayer de jouer la qualif en Ligue des Champions, donc tu joues la première place, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu restes en Liga, t'es pas en première ligue non plus. Voilà. Puis avec l'éternelle question de l'effectif qui est sans cesse en train de se reconstituer, quoi. Donc là, il faut intégrer toujours des nouveaux joueurs. Mais là, en fait, on aura toujours la même constat tant que le système ne change pas, c'est que l'an prochain, on les verra certainement bien plus soudés, quoi. À courage, moi, je suis curieux de voir ce que va faire Falcao à la fin de la saison. On va se poser des questions, je pense. Ça sent le départ aussi. On va terminer avec notre dernier coup de cœur et ça va être sur du ski. Je vais te compléter un peu sur ça. Je vais même commencer, peut-être parler un peu de ski alpin au début. Ouais. Je donne juste quelques résultats qui n'ont pas de rapport avec les Français, mais juste parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. Le combiné ainsi que le super G ont été annulés chez le ski alpin chez les femmes pour les mauvaises visibilités. Mauvaises conditions, oui. Et donc en super G première manche, deux Suisses aux deux premières places avec Jasmine Fleury et Michel Gisin devant Tina Verreiter. Au classement, donc comme la semaine dernière, ça n'a pas changé. Schifrin, Rebensburg et Verreiter. Au niveau des hommes, donc là on pourrait en parler un tout petit peu. C'est Slalom géant de Val d'Isère, donc c'était en France, et victoire d'un Français, Alexis Pinturault devant Luitz et Hirscher, Mathieu Fèvre est quatrième. Ouais, non, un beau tir groupé des Français là. Et donc Pinturault devant son public qui se remet un peu en confiance parce que la tournée américaine n'avait pas été fameuse avec, il me semble, une 12e place et une 5e place et une 18e aussi. C'est très bon signe pour Pinturault qui a besoin de cette victoire. Petite erreur, c'est pas sa spécialité dans le slalom. Où de toute façon il pouvait pas viser mieux vu la domination d'Hirscher. Ouais, parce qu'il y avait slalom et donc victoire de Marcel Hirscher devant Christoffersen et Mirer. D'ailleurs au classement c'est Christoffersen qui passe devant Hirscher et Jens Rudd. Voilà. Ouais. On peut peut-être passer avant que tu aies un truc à dire sur l'alpin, on peut passer au biathlon peut-être. Ouais, biathlon, Fourcade qui fait deuxième sur le sprint derrière Beu, mais devant le Slovène Fak. 10 km homme en effet. 10 km homme et il fait troisième de la poursuite. Donc là c'est derrière Johannes Beu, encore une fois, et derrière Fak cette fois-ci. Donc deux très bonnes places de la part de Martin Fourcade, qui pareil se remet en confiance. Il est moins dominateur que la saison dernière, mais je pense qu'il a prévu son pic de forme pour les Jeux Olympiques de 2018, qui sont véritablement son objectif. Il reste premier au classement général devant UNSB et Fak. Hein. Exactement. Et il y avait des relais aussi dimanche, donc le relais masculin, donc sans Fourcade, qui va finir 3, donc le relais qui fait quand même une superbe place, qui finit 3ème derrière la Norvège et l'Allemagne. Un relais donc composé de Jean-Guillaume Béatrice, Simon Détieux, Jacqueline et Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet qui fait un très beau relais. À savoir, petite anecdote, le relais sans les frères Fourcade, la France n'avait pas gagné sans eux depuis 2006. Voilà. Ouais. Donc, pas trop de dépendance, ça va. Bah, c'est de bon augure parce que ça veut dire qu'on a de la profondeur. Une relève. Ouais, ouais. Une relève. Et, d'ailleurs, Jacqueline, très bon relais. D'ailleurs, je pense que c'est le meilleur relais des quatre. Alors et que je pense c'est que, plus jeune. Je pense qu'il a peut-être gagné sa place pour le relais. Il y avait du relais féminin aussi. Et pareil, la France finit 3ème. Donc derrière bon, la nation ultra dominatrice en filles, c'est l'Allemagne et l'Ukraine. Donc là, pareil, composition Dorin Habert, Emonier, Preza et Bescon. Donc voilà, une très bonne place encore une fois. Le biathlon marche bien. On sait que c'est Justine Brézage, à contrario de Dorin Humbert qui a un peu du mal cette année. Qui est dans le dur, mais pareil, on espère qu'elle a prévu son pic de forme pour Pyeongchang. Moi, je noterai aussi, on passera peut-être à d'autres résultats en biathlon. J'ai juste le 7,5 km femme, ouais. Victoire de Domracheva, la Biélorusse, Anaïs Bescon, première française qui est 7ème. Et 10 km poursuite femme, victoire de la Slovaque Kuzmina, première française qui est encore Bescon, 13ème. Donc moyen sur les courses individuelles, ça s'est repris sur donc, le relais. Au classement, c'est Justine Brézaille qui est descendue à la 6ème place, donc belle place tout de même. Ouais, voilà, c'est la française qu'on n'attendait pas, on attendait plus Dorin Habert, voire Bescon. Ouais. Ouais, et donc même si elle est 6ème, c'est très bien ce qu'elle a fait. Ouais, terminer sur le ski de fond, je sais pas. Ouais, ski de fond, Maurice Magnifica qui remporte le 15 km libre à Davos, il l'avait déjà un peu régalé. Galé à Lillehammer en Norvège où il avait fait 5ème au skiathlon. Donc skiathlon, c'est un mélange de classique et de ski libre. Donc ouais, superbe place, Magnifica qui s'annonce un peu comme un des outsiders pour une médaille olympique à Pyeongchang. Et moi j'ai noté un dernier résultat, c'est Marie Martineau qui s'impose en halfpipe à Copper aux USA. Elle avait fini 3ème de la dernière compétition de halfpipe et là elle s'impose devant une américaine. Donc Cocorico, okay. Le ski tricolore est vraiment cette semaine en effet. Ouais. Bon, très bien, les résultats sont passés. On va passer tout de suite au jingle, l'interview chill. Sport and chill, l'interview. L'interview chill. À noter que c'est la première fois de l'année où on en avance. Alors on en avance d'une minute, mais on en avance quand même. Alors c'est aussi que tu m'as pas félicité pour avoir fait un coup de cœur pour une fois. Je suis un peu déçu quand même. Ah bon? Je te vois plus beau que tu n'es des fois. Ça m'encourage pas. Ouais, comme beaucoup d'ailleurs. Bon, t'es sûr? Non, merci. J'ai quand même. Ça m'idolâtre. Attends, non, la casquette, ça fait tout avec moi. Tu sais. On va passer à l'interview de Chill. Donc c'était interview pour Sport and Chill que l'on a tourné donc, tout à l'heure avec Yacine dans l'après-midi. Tourné, ouais. Donc c'est enregistré. C'est dans la boîte, oui. Enregistré, pardon. Tu dis un mot de travers et Guillaume, c'est terminé. C'est fini, quoi. Au Crêpes de Montpellier, donc ces deux jeunes emballeurs italiens recrutés par le MHB donc cette année, qui nous ont parlé de leur vie en France, évidemment, de leur recrutement par Montpellier, du Crêpes, évidemment, l'influence du Crêpes, ou encore évidemment du club du MHB. Vous avez donc remarqué un très grand accent italien à ce moment-là. Ça fait juste 5 mois qu'ils viennent d'apprendre le français. Franchement, c'est déjà pas si mal. Donc il y a 5 mois, ils ne savaient pas parler. Jordan, il n'y arrive toujours pas. Hein. Donc, allez, mais ils nous ont très bien répondu tout de même. Oui. Très très sympa, comme d'habitude, les sportifs du Krebs. On se retrouve donc dans moins de 20 minutes, puisque après on aura tout de suite une pause musicale. Tout de suite après, c'est le titre, c'est A Historia do Samba. Un peu de bossa nova pour contraster. Un peu de bossa nova. Du coup voilà, donc 15 minutes d'interview et 2-3 minutes de pause musicale juste après. On se retrouve dans 18 minutes exactement, à tout à l'heure. Première question donc, la première qui sur notre fiche, comment avez-vous découvert donc ce sport qui est le handball dans un contexte donc où l'Italie n'est pas forcément un très grand pays de handball? Je t'en prie. Je parle. Oui. Et il y a 10 ans, Nous habitons une petite ville au nord de l'Italie où il y a une bonne équipe d'handball, une entre les meilleures d'Italie. Mmh. Et notre ami, il a commencé handball 2 ans avant nous. Et il nous a encouragé à prouver ce sport. Et nous avons prouvé avec lui et nous avons été très contents. Et nous avons trouvé ce sport très magnifique. Et tout de suite, vous avez aimé le. Tu as aimé le sport tout de suite ou. Oui. Nous avons un groupe. Nous faisons un bal avec nos amis d'école et d'un bal. Et du coup, justement, est-ce que le handball est populaire dans les écoles en Italie ou est-ce que c'est le foot, évidemment, ou je sais pas, en Italie, le volley, ça joue pas mal. Donc est-ce que le handball, on y joue à l'école ou pas du tout? Oui, le handball n'est pas populaire comme le foot ou le basket. Oui. Oui, mais il dépend d'un professeur au professeur. Mmh. Et c'est le professeur qui connaît ce sport, pourquoi quelquefois le professeur il connaît pas le règlement. Mmh. Et donc il est pas possible faire handball à l'école. Ah oui, d'accord, il connaît pas les règles alors. Oui, ça. Il préfère faire du football au volleyball, au basketball. Ouais. Bon, en Italie, c'est vrai que le football est. C'est beaucoup plus populaire. Populaire. D'ailleurs, est-ce que vous aimez le football également ou pour les Italiens ou. Nous c'est gardons, vraiment le handball. Nous regardons pas beaucoup le foot. Le foot. C'est vraiment les grandes compétitions. Oui, la Champions. Internationale. Oui. Mais pas beaucoup. Mais c'est à côté de quel. Y a pas de. Ok, bref. Bon, voilà, on va continuer sur du handball quand même. Très bien. Vas-y, je te laisse poser une autre question. Alors en fait, j'avais aussi une question par rapport aux structures du handball en Italie. Est-ce qu'il y en a beaucoup de grandes structures comme en France, comme à Montpellier, etc. Ou est-ce que c'était vraiment dur de trouver des structures spécialisées dans le handball en Italie? Il y a des structures pour pratiquer l'handball, mm-hmm. Mais pas comme ça grand, comme ici à Montpellier. Et les structures, elles ne sont pas utilisées seulement pour l'handball, mm-hmm. Elles sont utilisées pour football et volleyball. Mm-hmm. Mais ils sont de bonnes structures pour pratiquer l'handball. Très bien. Oui. Et c'était vraiment à côté de chez vous, de Trento, ou est-ce qu'il a fallu faire beaucoup de kilomètres pour avoir accès non, à ça? Dans notre équipe, il était dans une petite ville, pas à côté de Trento. D'accord, okay. Et il était à 1 kilomètre. D'accord. Oui, non, pas beaucoup. C'était facile pour y aller tous les jours. Facilité. Oui. Parfait. Vas-y, je t'en prie. Très bien. En fait, je voulais aussi après parler du handball au niveau national en Italie. On a vu que les dernières années, je ne sais pas si vous l'avez remarqué là-bas, mais le rugby devient de plus en plus populaire là-bas, depuis à peu près 15 ans. Est-ce que vous pensez qu'un jour, le handball pourra devenir aussi, comme le rugby, de plus en plus populaire là-bas qu'on en parlera à la télé peut-être, qu'on diffusera peut-être des matchs de la sélection. Est-ce qu'un jour, selon vous, ça pourrait arriver là-bas? Oui, on doit faire beaucoup de travail. Oui. Partir dans les enfants et après travailler sur tout l'Italie. Oui. On doit avoir plus jeunes, plus... Tu peux le dire en italien si t'as un mot que tu sais pas. Ouais, donc il faut que ça soit le centre de formation, c'est ouais. ça, donc pour plus dans la jeunesse, oui, pour oui. qu'il y ait des meilleurs enfin, joueurs par la suite. Elle, un peu comme vous, du coup. Oui, elle, on doit commencer à garder le sport handball international et pas seulement italien et à augmenter le niveau. D'accord. Oui. comment se sont passées les détections comment vous avez été recruté? Comment Montpellier est venu vous voir en fait? Nous avons fait en janvier un tournament international en France. À Paris, sa compétition il s'appelle Mondialita et il est un tournament de bon niveau. Et ici Mondialita à Paris, nous avons disputé un bon tournament et nous avons terminé quatrième, à la quatrième place. Et in sa compétition, Montpellier nous a vu oui. et nous a contacté. Et vous avez fait ce tournoi là avec votre club, c'est ça? Non, avec la nationale. Avec la nationale, oh, d'accord. Oui, l'équipe d'Italie. Ok, okay bon, c'est pas mal. Du coup, il y avait d'autres pays, je suppose, là-bas. Oui, Pologne, France, Espagne. Nous avons perdu la semi-finale. Demi-finale, ouais. La semi-finale avec l'équipe de France, des deux buts. De trois buts. Et pendant ce tournoi, avec la sélection, est-ce que vos autres partenaires de sélection ont été contactés par d'autres clubs ou est-ce que ça n'a été que vous deux qui avez été contactés par un grand club à niveau international? Oui. Est-ce que je ne sais pas, peut-être un club allemand, un club français a contacté d'autres partenaires à vous, vos coéquipiers de la sélection? Peut-être, mais qu'on sait ça, non. D'accord. Mais peut-être... ils n'ont pas accepté. Oui. Ouais. Mais. Et vous, donc, du coup, c'est Montpellier qui est venu. Et est-ce que vous connaissez Montpellier avant qu'ils viennent à vous? Qu'est-ce que ça vous a fait, pardon, d'être contacté par le club? Oui, oui, parce que Montpellier, il a été une bonne équipe avant. Trois ans et avec des bons joueurs très fameux comme Guigou, Gérard et nous suivons l'handball international et nous connaissons Montpellier. Connaissez, ouais, donc Montpellier. Oui, avant de venir ici. On va peut-être parler un peu du Krebs, parce que c'est actuellement là où on est. Qu'est-ce que vous apporte le Krebs pour vous, peut-être vos entraînements ou au niveau physique, au niveau mental? Qu'est-ce que ça vous apporte le Krebs? Oui, maintenant nous sommes au Krebs. Oui. Et le Krebs il a une très grande structure où il y a beaucoup de sportifs. Et nous avons beaucoup de temps pour passer ici. Et le manger, il est très bon. Et très var. C'est important. Ouais, oui. Et pour nos sportifs. Et après, nous avons l'opportunité de parler avec autre sportif, qui est très important. Et il y a tout le nécessaire. Bon, les surveillants ils nous suivent quand nous avons besoin. Et vous êtes à peu près combien à faire du handball au Krebs? Combien à faire du handball? 4 qu'ils dorment ici. Ouais. Au Krebs. Interne, hein, 4 oui. internes. Et des autres qui sont des pensionnaires. D'accord. Et ils mangent seulement ici. Ok. Est-ce que vous avez déjà fait des entraînements avec les joueurs de Montpellier, les professionnels ou... Oui, non. Maintenant, non. Mathieu Gabriel, il oui. s'entraîne avec nous, pourquoi parce qu'il était blessé. Oui. Mais nous pouvons suivre l'entraînement de l'équipe professionnelle parce qu'il s'entraîne après ou avant nous. D'accord. Mais pour maintenant, pour moment, avec l'ANN, oui. Bon, ça va arriver, assez oui. vite. Ça fait tu continues? Oui. Alors, en fait, on voulait aussi vous poser une question par rapport à la vie à votre âge dans un pays étranger. Est-ce que c'est pas trop difficile de vivre dans un pays qui n'est pas le vôtre, à votre âge? Vous êtes jeune. Oui. Est-ce que c'est pas trop dur d'être loin des amis, de la famille? Comment ça se passe dans la vie de tous les jours? Non, pour nous, il a été pas trop difficile parce que nous sommes ici à Montpellier, une grande prestigieuse club. Mmh. Club. Et nos parents, ils sont très, très contents que nous sommes ici à Montpellier et nous étudions une nouvelle langue et ils sont contents aussi pour ça. D'accord. Quand vous êtes arrivés, vous parlez un petit peu français ou pas du tout? Nous n'avons pas jamais étudié le français, ouais. Mais c'est compliqué, il est pas trop dur parce qu'il est similaire à l'italien. Oui, voilà. C'est une langue latine alors, ça arrive. Oui. Donc ça va. Voilà, je voulais aussi vous poser des questions par rapport à l'apprentissage du français. Là, vous avez répondu. Hein. Ouais. C'était, vous avez trouvé ça assez facile oui. à apprendre. Oui, nous faisons... une particulière classe oui. avec d'autres étrangers pour mmh. étudier mieux le français. D'accord. Nous faisons 12 heures de français par semaine mmh. Mmh. et pour maintenant il était facile. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres Italiens ici au Krebs que vous ou pas? Au Krebs non. Vous êtes les seuls Italiens. Oui. Bon. C'est classe. C'est classe. Et est-ce que en Italie, vous connaissiez, il y a peut-être des handballeurs célèbres que vous aimiez, que vous avez peut-être suivi? Ou est-ce qu'il n'y a pas de stars en Italie de handball? Des stars à niveau international? À niveau national. Niveau international. Il y a deux joueurs italiens qui jouent ici en handball, mmh. mais seulement en deuxième division. Oui. Mmh. Et ils sont à niveau français, ouais. ils ne sont pas trop connus, mais en Italie, ils sont un peu plus connus. Ouais. Oui. On est connus. Et du coup, est-ce que vous avez des idoles, des gens, des handballeurs ou même des sportifs que vous aimez voir, que vous aimez voir jouer? Toujours italien? Comme tu veux. Italien ou étranger, hein? Oui, non. Mauro Ilić de Vespem, il me plaît le mot ouais. de jouer. Oui, et au niveau italien. Pas forcément, parce que là nous on a mis dans notre question évidemment oui. Buffon et Pirlo, mais bon nous c'est parce que nous en tant que français on connaît évidemment peut-être les footballeurs, footballeurs. Oui, donc voilà, mais vous avez pas les ouais, donc peut-être toi tes idoles, est-ce que tu en as ou pas, des sportifs que tu adores par exemple? Que j'adore, oui, les mots des joueurs, mmh. Un handballeur, Aaron Palmerson, qui il est 21 ans à Barcelona, mm-hmm. et j'aime les jeux qu'il fait. Et d'accord. Ok. Tout. Très bien. Bon, très bien, je pense que t'as pas d'autres questions, Yoz? Non, c'était conclu. C'est bon, ça a été. Ça s'est bien passé. Merci. Oui. Merci à vous. Merci à vous. Bien. Se querem saber a história do samba, o samba nasceu numa roda de bamba. O Chico Navalha foi desacatar O Zé do pandeiro teve que brigar. O Chico na valha, puxando da dita, partiu para o Zé numa briga esquisita. Na confusão que ouvi na baiuca, um dizia eu te cutuco, outro não cutuca. Eu te cutuco, não cutuca, te cutuco, não cutuca, te cutuco, não cutuca, não. Eu te cutuco, não cutuca, te cutuco, não cutuca, te cutuco, não cutuca, não. Eu te cutuco, te cutuco, não cutuca, te cutuco, não cutuca, te cutuco, não cutuca, não. Eu te cutuco, não cutuca, te cutuco, não cutuca, me cutuca, que eu te taco a mão. A briga acabou, notícia correu. Pra vir pra cidade do morro desceu e foi se espalhando. Entrou no salão, no ritmo quente dessa marcação. E agora se escuta em todo o país o povo que canta contente e feliz. No carnaval, que coisa maluca. No tamborim, no ticutucu, no cutuca, ticutucu, ticutucu, no cutuca, ticutucu, no cutuca, ticutucu, no cutuca, não. Eu te cutuco, não cutuca, te cutuco, não cutuca, te cutuco, não cutuca, não. Eu te cutuco, te cutuco, não cutuca, te cutuco, não cutuca, te cutuco, não cutuca, não. Te cutuco, não cutuca, te cutuco, não cutuca, me cutuca, que eu te taco a mão. Eu te cutuco, te cutuco, não cutuca, te cutuco, não cutuca, te cutuco, não cutuca, não. De retour sur Sport and Chill, c'était un petit peu de bossa nova à Historia do Samba. Faites voilà. Toujours doubler, hein. On va continuer tout de suite sur le quiz. Sport and Chill, le quiz. On passe un petit bonjour à Romain d'ailleurs et on lui donne un petit résultat. Je sais qu'il va être très content de ce résultat. Ouais, il va être super content. C'est Clermont qui a gagné 46 à 14 au Saracens avec notamment un triplé de Raka. Et c'est de Van der Merwe, deux Fofana. C'est la bombe. Blague de très bon goût. Raka. Toujours, ouais, j'avais compris. Merci. Et juste un rectificatif sur les classements qui en fait n'avaient pas été actualisés quand je les avais regardés. Donc c'est le MHR qui est deuxième avec 9 points, donc qui est pour l'instant dans les 3 meilleurs qualifiés. Ah oui, alors c'est 8 pour la, ouais, que j'avais dit 8. Et j'avais dit pour la Rochelle qui menait avec 15 points, ils ont 16 points. Voilà, j'avais juste pas vu des classements actualisés. Ok, très bien, c'est noté. On va donc commencer avec le quiz et notre première question, rapidité. Finir. Ah, Jean-Pierre. Elle m'avait manqué cette musique. Ah, il nous régale. Normalement, elle devrait aller vite cette question. Ça dépend de rapidité, hein. À moins que. Ouais, rapidité. Donc c'est du football. Qui a gagné le championnat américain cette semaine? MLS. Los Angeles Galaxy. Seattle. C'était gagné hier. Toronto. Toronto. Bah. Fallait le dire, tu vois, mais bien joué. Premier point, j'ai oublié de noter les points, donc Team, ouais, parce Guillaume. Ouais. D'ailleurs, il y a un autre championnat qui a été gagné. C'est pas le Canadien, du coup. Ouais. C'est les Tigres. Ouais, c'est les Tigres de Gignac. Ça vaut pas de points, mais bon. Ouais. Merci. Troisième type pour Gignac. Elle m'a endormi cette. Alors là, je vous donne deux points directs. Si vous savez qui est le français qui joue à Toronto. Ah, je l'ai, attends. Oui. Le chauve, là, non? Fasquelle. Non, lui, il est belge, lui. Perino, non. Ah ben, j'ai pas, alors. Attends. Est-ce qu'il est passé par des clubs? Pascal Perino, non, oui, c'est un politologue. Ouais, ça, c'est politologue, ouais, qui passe sur ses dents l'air, ouais. C'est pas là. Perinel. Pas du tout. Il est connu. Il est connu. Son frère est plus connu. Et, Capou, Robert, Capou. Robert. Non, Capou. Non, c'est lui le connu par rapport à eux. Robert. Ouais. Non. Etienne Capou. Il a joué à Marseille. Chirou, Bruno Chirou. C'est moi qui vais le chercher, celui-là. C'est lui qui va le chercher. Moi, cette verveine qui nous régale. On l'a dit en même temps, messieurs. Non, il l'a pas dit. On l'a dit en même temps, non? Ah, j'ai rien entendu. Ah, j'ai pas entendu. Benoît Chirou. Oui. Ouais, moi j'ai dit Bruno Chirou, en gros. Désolé. On l'a dit en même temps. Bruno. Ta gueule embarque. Ah, c'est qui commence sur Bein, quoi. Sorry, guys. Biathlon. Ah. On va faire un tour de table. Ouais. Très rapide du coup. La Norvège a gagné. Non mais c'est possible. La Norvège a gagné le relais masculin de biathlon donc ce week-end. Parmi les 4 biathlètes, évidemment, le célèbre Ole Einar Bjørndalen. Avec oui, entre autres. Ah bah tu devrais le connaître, franchement, pour un sport de glisse, tu devrais le connaître. Mmh. Je sais que c'est de l'ironie. Un monstre sacré. 8 médailles d'or au JO, 20 victoires au championnat du monde, etc., etc. Mais tout simplement, quel âge a-t-il ? Tour de table, Yacine, tu commences. 38. 38 ans. 41. Pas le jour près. 41. 39. 39. 46. Ouais. 46. Qui c'est qui a dit 41 ? Moi. Point pour Théo. C'était le plus près. 43 ans. Bjørndalen. Et il devrait terminer sa carrière au JO 2018. À ce niveau de performance, à 43 ans, c'est. Ouais, c'est lui, c'est sûr qu'il boit de la verveine et pas du vin rouge. Hein, ça, c'est sûr. Voilà. C'est clair. Quand même nous régale, cette c'est le master. Citation. Qui a dit à chaque contact, quand j'attrape quelqu'un, ou quand. Tim. Quand quelqu'un m'attrape. Ou quand quelqu'un me touche, la douleur est là. C'est lui, Tim, Bastereau. Ça affecte vraiment mon jeu, je ne peux pas être moi-même. Depuis mon retour, Fekir. Je n'ai pas été à 100%, pas même près des 100%. Non, c'est pas Fekir. C'est du rugby, c'est du foot. C'est du rugby, je pense. Du foot. J'attends un peu. C'est du foot. Non. Merci de NBA. NBA. Hey. Ah bon, Rudy Gobert. Non. Parker. Non, il vient de faire son retour il y a pas longtemps. Merde. Bah, c'est un Parker. Et il est encore très très mal. Hein, c'est pour ça qu'il ne joue pas. Tim Noah. Non. Un français. Il en manque un. Nkitina. Nicolas Batum. Nicolas Batum, hein, point. Oh, come on, guys. Nicolas Batum qui a du mal à faire son retour avec les Charlotte Hornets. Il a recommencé à jouer cette semaine et puis, ouais. Et puis ça va pas. Eh ben ouais, donc Nico, il va repartir. Pas compliqué pour lui. Voilà, point. Et chose rare, Yacine, champion. Ah, je me suis. C'est, point pour c'est Chérou qui m'a. C'est Chérou qui m'a déstabilisé. La fin d'un cycle, hein, Monaco qui est là. Salut. Très rapidité. Ça va aller vite là. Comme toujours. Quels sont les deux seuls clubs des 5 grands championnats à n'avoir toujours pas gagné un match? Benevento. Non, Benevento a gagné. Non, ils ont fait nul. Non, Benevento. Ils ont perdu, Benevento. Et Cologne. Et Cologne, 2 points. Oh oui. Ben, 2 points pour Théo. Cologne pour Benevento West. Et Cologne. C'est Cologne. Ah, c'est compliqué quand même là après toutes ces journées. 16ème journée. Ouais, là, ça commence à faire Cologne, commence Cologne à réfléchir, là. Qui menait de 2 buts d'écart. Ouais. 3-0, il menait. Ouais, 3-0 il menait. 3-0 il a pas à quoi à 20 minutes de la fin. Ouais, il a pas eu 4-3. Il prend 4-3. Ah, c'est un enfer. Dont 2 pénalties, il me semble. Ouais, crois, dans les arrêts de jeu. 2 buts, t'avais pas sur la 85ème, je crois. Ah, ils ont la confiance en ce moment. C'est un enfer. Et ils menaient 2-0. Je crois que c'est 3-2 qu'ils ont gagné. Ils gagnent 4-3. Ils gagnent 4-3. Fribourg. Ah ouais, ouais. Ouais, 4-3. Ils menaient 3-0. À Cologne. Et c'était sous la neige. Je passe dédicace à Diego. Il y était. Donc. Ok, très bien. Dédicace passée. Voilà, donc dédicace passée, 2 points pour toi, donc Théo. Moi je suis à combien? Qui a dit. Ouais, Théo. Qui a dit, dans un match, il y a toujours des décisions aléatoires, certaines bénéfiques, d'autres non. Je vous rassure, la touche à 5 mètres de notre ligne, jouée rapidement à une main, suivie Galtier. D'un... Fabien Galtier, suivi d'un coup de pied dévissé pour l'adversaire. On ne le travaille pas l'entraînement. Je pense que si on le travaillait, on ne l'aurait pas aussi bien réussi. Oh, Fabien Galtier, entraîneur du RCT. Sur Tuisse, après sa victoire contre BAF. Mais avec un essai gag, on en a parlé tout à l'heure, partout non. Théo est chaud, hein. La musique, il n'y a plus de musique. Ah là, on redescend en température. Ah, si, on est reparti. Football. Là. On va faire un tour de. Non, rapidité. Ah, dur. Cristiano Ronaldo a donc gagné son 5e ballon d'or cette semaine. Quel était le dernier Portugais à faire partie des 3 premiers ballons d'or, excepté lui? Figo. Luis Figo. Non. Non. Zébio. Non, pas vas-y. Rui Costa. Dans les 3 premiers du ballon. Nuno Gomes. Non. Rui Costa. Non. Deco. 2005. Pour chacun. 2005. 2004. Deuxième en 2004 derrière Shiva. Ah, il a voulu faire Arango et donner une année. Aïe. C'est péché d'orgueil. Ah, j'ai pas compris la question. Le pire, c'est que c'est Ronaldinho, là, on part des Gérard en 2005. Ouais. Derrière Shiva, donc Shevchenko, et devant Ronaldinho. Ah, donc Deco, point pour Tim et point pour Yacine qui nous reçoit le compteur. 2 points, et c'est d'une question tennis. Ah, c'est pour moi, ça arrive. Cette semaine, l'ITF a désigné. On va faire un tour de table. A désigné Muguruza et Rafael Nadal, champion de l'année 2017 de tennis. Qui étaient donc les deux derniers champions à avoir la même nationalité. Djokovic et. Ivanovic. Comment ça s'appelle Ivanovic. Pour toi, c'est ça, d'accord. Fais un tour de table. Hein. Qui. Quelqu'un a quelque chose d'autre. Non, vous avez rien. 2 points, je vous rappelle. Ah, je dirais tu peux changer ton truc, je te dis la date. 1998. Ouais, effectivement. 98. Mais Marat Safin et ouais, non, trop vieux. C'est trop non, vieux, moi je dirais en 98. 98, je vois bien les Américains. Sampras et ouais. Agassi Davenport. Agassi Davenport pour toi. Ouais, non, j'avoue, je passe sur celle-là. Tu passes. Sampras et Allez. C'est trop vieux, Serena. Et toi? Ouais, sur deux, quoi. Mais je pense qu'il a Agassi raison. Agassi Davenport. Ouais, je pense qu'il a raison. C'est bon? Peut-être non, Sampras ouais, Davenport. Le deuxième. Mais moi, Sampras Davenport, moi, pour changer. T'avais raison de changer Sampras Davenport. Yeah, on va chercher mental. Franchement, t'as la classe parce que j'ai pas voulu mettre Davenport parce que Yacine l'avait dit. On va chercher un team moral de rager là, toujours. Team 1 point, Yacine 1 point, Guillaume 2 points. Ouais, on va chercher qui? Guillaume 2 points, team 1 point, Yacine 1 point. C'est moi qui ai lancé le truc. Aïe. Il va avoir un. Attention, c'est rapidité. Il est celui-là. Les gars, s'il vous plaît. Attention, c'est rapidité. Il y a Girard qui est là. Attention, je peux enlever des points. Ouf. Genesio aussi s'est fait exclure, tu vois, il y a un lien. Il va prendre 2 minutes là, Bielsa. J'ai enlevé un point, surtout que t'es bien classé pour une fois. Arbitrage de merde. Attention. Fuck France. Tu vas prendre la commission, je te le dis. Ah, au CSA, ça va se passer. Qui suis-je? Rapidité. Ben Flo. Les... C'est drôle, j'aurais pu te rajouter quelque chose, mais pas je veux pas faire. Trop gentil. Né le 11 décembre 1981, donc anniversaire aujourd'hui. On me surnomme El Conejo, le lapin. Je fais mes classes en Espagne en jouant dans les deux plus grands clubs du pays. Saviola. On va le chercher celui-là. Ah ouais, là. Javier Saviola. Ouais, gros, dès le début, je l'avais, mais je cherchais le Conejo. Tu fais chier, Yacine, parce que c'était vraiment une longue question, ça a pris du temps. Ouais, est-ce que je peux finir au moins cette question? Je fais quelques piges en France et dans un autre. En France, bon, vous savez où c'est. Monaco. Et dans un autre club en Espagne, à savoir le FC Séville, où je gagne la Coupe UEFA en 2006. Je visite l'Europe, je gagne notamment le championnat portugais, mais aussi grec. Et je reviens dans mon pays avec lequel j'ai gagné la Copa América en 2004. Je reviens dans mon club pour finir là où j'avais commencé, au River Plate. Je suis attaquant. J'ai remplacé Morientes à Monaco en 2004. Je suis Javier Saviola, qui fête son anniversaire aujourd'hui. On lui passe un bonjour d'ailleurs. Ouais. Donc point pour Yacine. C'est l'anniversaire. Ça vaut 1. Ouais. Théo 5, Yacine, Guillaume 4, Yacine et Tim 3. C'est terminé? Ça va aller. Non, c'est pas terminé. Ah, et encore. Hey. JO d'hiver. Celle-là, elle est un peu ambiguë, mais on va voir si vous savez ou pas. Rapidité. Une information de Reuters est sortie cette semaine avec comme information principale le nombre de moins 14. De quoi? C'est la température, ça? Je sais pas. Le nombre de moins 14? Ouais. Le nombre de compétitions où il y a moins 14 médailles sur le tableau des médailles russes? Non. Ah. J'ai pas dit l'unité derrière. Moins 14 athlètes? Non. Moins 14. En effet, c'est moins 14 degrés, pourquoi? Parce que c'est là où il y a eu le plus de compétitions, il y a eu moins 14. Non? De... Non. Précise. Je vois pas ce que tu veux dire. Le minimum qui c'est le climat maximum qui aurait Pyeongchang pendant une des épreuves? Non. Minimal, pardon, oui. Ouais. C'est Reuters qui a lancé une information. Précise. Bah, le sol ne pourra pas être en dessous. Non. C'est bon? Personne. Ouais. Selon Reuters, les organisateurs des prochains JO redoutent une température très basse lors de la cérémonie d'ouverture. Ah. La température ressentie pourrait être en raison du froid et de l'absence du toit. Parce que vous voyez le stade, j'ai regardé sur internet, il est affreux le stade. On dirait un stade de baseball tout pourri. Ouais, c'est affreux. Un stade donc de moins 14 degrés, ça serait la plus froide jamais enregistrée lors des JO Olympiques. Avec la dernière, c'était moins 11 degrés en Norvège en 1994. Des mesures sont envisagées pour éviter aux spectateurs l'hypothermie. Ouais. Quoi notamment des distributions de couvertures. Ouais, ceux qui assistent devraient y rester sur place 4 à 5 heures. Ça peut-être qu'ils restaient plus longtemps d'ailleurs. Ça va refroidir. Ils vont peut-être, rester collés au siège. On n'est pas plein. Et peut-être un truc qu'on n'a pas dit quand même, c'est je pense pas c'est une question du quiz, mais du quiz. C'est que les Russes ont été suspendus aux Jeux Olympiques. Et qui vont les coureurs propres vont devoir courir sous drapeau. C'est quand même une sacrée information, c'est une grande nation du ski. Ouais. Et des sports d'hiver en général. Il reste deux questions, du foot, dont une à deux points. Donc tout est jouable encore. Football. Il dit basket. Giroud a égalé un record ce week-end, lequel Solskjaer. Le nombre de super subs marqués en interrogation. Manchester United. Je l'accepte pour le super sub. Auteur du but de l'égalisation d'Arsenal contre Southampton dimanche, un partout. Olivier Giroud a égalé un record du meilleur super sub de l'histoire de la Premier League, Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer. Solskjaer. Et du coup, combien d'unités 17. 19. Je l'ai pas écrit, mais je crois que c'était 17. Ah, j'avais 19, tu vois. Belge, pas les mêmes sources. Théo. Qui est fiable. Théo qui reprend la marche en avant. Et il n'y a que Guillaume qui peut aller chercher là. Ah, c'est maintenant. It's time. Deux points. Un autre qui suis-je. Né en juillet 1977. Oula. Je suis encore en fonction dans mon sport. J'ai commencé dans mon pays natal avant de partir en Italie. Puis de partir en 2000 dans la ligue suprême de mon sport aux États-Unis. Depuis, je n'ai jamais changé de club. Ma meilleure année était en 2007-2008 avec une moyenne de 19,5 points. Ginobili. J'en ai marre. Oh ouais, oh superbe. Je suis champion 4 fois, dont la dernière fois en 2014. Je suis également médaille d'or avec les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 avec mon pays, l'Argentine. Je suis joueur des San Antonio Spurs. Je suis Manu Ginobili. C'est l'Argentin-Italie qui m'a. Qui fait son retour en force cette année en NBA. Deux points pour. Je savais même pas qu'il allait jouer en Italie. Yacine, mais ça ne suffira pas. Et victoire de Théo sur ce quiz. Félicitations. Et dur celui-là. Première victoire ou non? Deuxième victoire, hein? Je sais pas. Ouais, il y a une sérénité. Il y a une sérénité. Tranquille, la 15ème. C'est la victoire sereine, ça. Belle victoire, 6 points quand même. Yacine, 5 points. Guillaume, 4. Team, 3. Donc c'était quand même un petit tremontada de ma part. J'avais mal commencé. 4 points, c'est pas souvent. Donc voilà, tout est possible. On peut vraiment battre Yacine. Théo l'a prouvé ce soir. J'espère que le prochain. Agenda. Ah, mais dernièrement. Je suis en progression, mais c'est vraiment en progression. En puissance, comme le Real, quoi. Je vais te claquer le quiz de l'année. Il va atteindre C'est moi qui le chercheur mental. Il va atteindre son pic de forme vers février-mars. Voilà, ouais. C'est ça. Là où il y a les vrais, quoi. L'agenda, donc, journée de première ligue, Bundesliga en plein milieu de semaine, mercredi, je crois, mais pas de gros matchs que j'ai noté. Et d'ailleurs, c'est stérile les matchs ce week-end parce que en championnat étranger, même en basket, j'ai eu du je mal. N'ai trouvé rien de mieux que City Tottenham, donc pas mal. Ah non, il n'y avait pas grand chose. Et Dortmund Offenheim, c'est le seul truc que j'ai trouvé de correct. Il n'y a pas de gros match. Donc ça, c'est samedi. Dimanche, je vois rien d'intéressant. Que du en Marseille. Et oui, en France, donc. En France, vendredi, SSE Monaco par exemple. Ouais, Montpellier Metz, Rennes PSG sera samedi. Et donc le match dimanche soir. OL contre l'OM. Ouais. Au rugby. Au rugby, c'est la Coupe d'Europe encore une fois. C'est les matchs retour. Hein. Donc on va retenir forcément Montpellier Glasgow, Racing 92 Castres. Le match qui nous intéresse dans la poule de Montpellier Leinster Exeter, Basse Toulon, Clermont Saracens encore une fois et Leicester Munster. Est-ce que t'as un match peut-être pour une pronostic ou pas du tout? Est-ce qu'il y avait un gros match dans le top 14 ou quoi que ce soit? Il n'y a pas de match en top 14, il y a des matchs en Coupe d'Europe, mais c'est les retours en fait de ce qu'on a assisté à cette journée. Donc peut-être qu'on aura un match en NBA parce que moi j'ai aucun pronostic, aucun gros match. En NBA, si, c'était difficile, mais il y en a quelques-uns. Il y a quand même un petit Utah-Boston vendredi, il y a aussi un Clippers-Washington vendredi. Et aussi, surtout, c'est le gros choc de la semaine, c'est un Spurs-Houston vendredi aussi. Ouais, ça va être celui-là. Et après, petit Cleveland-Washington un dimanche soir, tranquille après la Hell of Techno pour redescendre. Allez. Ok. Handball. Oui, alors comme je l'avais dit, quart de finale de Coupe de la Ligue, mardi et mercredi. Toulouse-Montpellier, Dunkerque-Célesta, Istres-Aix et Paris-Nantes. Donc ça sera jeudi. Donc après, comme j'avais dit aussi, Coupe de France, 16e de finale le week-end à venir. Grenoble-Montpellier et Nancy-Paris comme match entre guillemets qui ressort des autres. Et voilà, en attendant la dernière journée de la première partie de championnat qui arrivera la semaine d'après avec le fameux Montpellier-Paris. Le choc de fin d'année. Voilà. Oui. J'ai du ski si tu veux, enfin du biathlon. J'avais noté. À Annecy. Grand Bornand. Annecy le Grand Bornand, exactement. Ça. Donc il y aura toujours le classique sprint poursuite. Peut-être une mass-start. Je sais pas s'il y en a une, mais. En ski alpin, chez les hommes, c'est à Val Gardena en Italie, donc pour le Super G vendredi, descente samedi, slalom géante dimanche et lundi. Mass-start en biathlon, c'est confirmé. Et donc pour les femmes en ski alpin, Val d'Isère en France, avec samedi et dimanche la descente et le Super G, voilà. Pas de résultats, autre résultat peut-être boxe ou. Non, boxe, voilà, on a clôturé avec ce très beau combat, donc là. Et j'ai rien en tennis. Et en ski de fond, ça sera en Italie aussi à Toblac. Ouais. Ok, bon, très bien. Si on n'a rien d'autre, on va passer au pronostic. On va passer au pronostic. Bon, c'était pas ta meilleure celle-là, mais non, je préfère celle tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a vraiment des meilleures? Et donc, le pronostic, c'est Spurs Houston, pardon, avec le petit accent. Donc je veux savoir soit la victoire, soit la défaite pour vous. Juste, attends, juste pour terminer, j'avais oublié quand même, il y a la réunion jeudi de Asloum. Tu vois, c'est pas terminé. À Paris, ouais, donc. C'est voilà. Jamais fini. Pour la boxe française, voilà, c'est un bon rendez-vous. Non, tu peux répéter, j'ai pas entendu moi le Spurs, Houston, tu vas commencer, Guillaume, vu que t'es spécialiste NBA. Allez, belle celle-là. Je vois un. Bah, match très serré naturellement, je vais mettre. On te demande le prono. Je vais mettre quand même. Victoire, défaite. J'aime bien argumenter. Ah, j'ai quand même mettre Houston, vraiment, il m'impressionne en soi. Tu mets qui? Houston, okay, team. Je mets les Spurs. Ouais, moi je vais suivre Guy, et je vais mettre Houston. Et Houston également. Houston également. Ah, ça me suit, oui. Tu vois, j'ai des sbires à une Guy We Trust. Bah moi, thanks guys. Moi je mets Spurs aussi. Il est là le leader. Ah, hein. Et Ginobili qui va faire un gros match. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Au niveau du classement du pronostic, Théo est toujours premier avec 7 points. Yacine 6 points. Dimitri 5 points. Guillaume, Tim et moi 4 points. Ah, et donc tous les autres 3 points. Ouais. Voilà. Donc Vincent, Romain, Sylvain et Anto, ils ont 3 points. Ouais, inexistant. Ouais, mais ils n'ont pas été là souvent. Ouais, c'est pour ça qu'ils existent. Il faudra faire un ratio en termes de présence. Le ratio, oui. va y être. Il faudrait combiner les présences de chacun avec les autres. Ok, donc on termine plus qu'à l'heure. 20h45, on va terminer avec le son de la semaine. Et j'ai attendu un son box toute la semaine. Ah, tu mets pas l'Olympico en prono? Ah non, je mets pas l'Olympico. Allez! Non. Ah, pour une fois qu'il est bon celui-là. Non, hors de question. Ah, moi je le fais quand même. Non, je veux pas savoir. Ouais, on le fait ensemble. C'est victoire de l'OL. Lyon 2-1. C'est bien. Putain, pour une fois qu'il y a une affiche intéressante en Ligue 1 le dimanche soir. Il est aigri, bon flot maintenant. Ouais, c'est dur. Allez, fais-moi jouer, s'il te plaît. Non, je te fais pas jouer. Il est bon là. Pour une fois, les deux ils sont pas trop mal. Ah, c'est terrible. C'est terrible. C'est dur. Non, c'est vrai que ça serait sympa. Allez, sois pas comme ça. Fermé, insupportable. Dictateur. Faites votre pronostic. Allez, le peuple, remettez-vous. Donnez vos pronoms. Allez, moi je dis. Moi je dis Marseille. Oh là là. Combien? 1-0. 1-0, Yacine. 3-2 Lyon. Ouais, moi ce que j'ai dit. Voilà. Voilà, tout le monde est content. Nos déclarations, elles seront de rien. Allez, Florian, boude pas, donne-moi un petit prono là. Ah bah, j'attends le tir déjà. 2-1 pour Lyon, moi. Voilà, ce serait bien. 0-0 pour moi, c'est bien. Ah, allez, ça y est. Il y a pas souvent 0-0 dans l'Olympico. Ah là là, il boude maintenant, ça y est. Il va partir bouder. On va terminer avec le son de la semaine. Et là, je vais moins bouder parce que c'est le son de la semaine que je voulais. Ah, arrêtez avec ça, c'était insupportable. Manchester United, Manchester City, il y a eu ce week-end. Mais moi, je veux me remémorer des meilleurs souvenirs. Et donc, le 12 février 2011, Wayne Rooney qui marque contre une bicyclette contre Manchester City. Il se essaie de se rappeler des bons souvenirs. Voilà, c'est ça. Donc, ça me fait un peu mal, mais ça fait plaisir d'entendre un commentateur anglais. Non, et puis Tom. Ça vaut pas celle de Jimmy Briand contre Nancy. Tom s'en rappelle de celle-là. Les verts des années 70, des fois. D'ailleurs, j'ai oublié les remerciements, mais du coup, je voulais vous remercier d'être venu, mais là, maintenant, je bosse, donc je remercie pas. Surtout technique, quoi. On remercie la technique, surtout. La technique, surtout, Tom et Arnaud, ce soir. Merci, les gars. Belle voix qui est au rendez-vous. Et qui font des bicyclettes dans le studio là, et tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour le grand quiz. Là, n'oubliez pas de nous suivre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, Jean-Luc, c'est une belle histoire. Et ouais, voilà, la semaine prochaine, lundi 19h-21h sur Radio Campus Montpellier. À plus. Bonne soirée, ciao. See you soon. Nani. One of the great goals in the history of the Manchester Derby at Old Trafford on the 12th of February 2011. Les lutins malicieux se sont cachés pour savoir si tu t'étais bien comporté dernièrement. Là, ils t'observent peut-être. Reste donc toujours bien sage. Radio Campus Montpellier. N'oublie pas d'être sage. L'expérience sonore. À bientôt.